Alors nous sommes à l'antenne, merci beaucoup. Bulle de rêve, bien sûr, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, bien évidemment, 2 heures de cinéma d'animation avec un très très beau plateau. Oui, je dis plateau, je sais, ça, j'aime bien le terme plateau autour de la table. Déjà, je vais évidemment... Et voilà, j'ai voulu faire pro, je vais pas désannoncer, c'est quoi le terme quand... Si, c'est ça, on peut dire ça, hein. Je vais désannoncer donc, les morceaux que nous avons entendus. Vous avez entendu au tout début, Mark Union, Glass Bay Part 1. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, comme Francis Gavel, voilà, j'ai tout marqué. C'est tiré de l'album Under Wires and the Searchlight, Mark Union. Je voulais vous C'est eux qui nous ont donné notre générique, car en DM1, on a de la chance à l'ESAT où je suis prof, on a plein de gens talentueux. Et là, en plus, normalement, ils finissent pas forcément leur film. Et là, on a quelqu'un qui a fini son film. Le film s'appelle Fish Don't Need Sex. Les poissons n'ont pas besoin d'amour. Justine Vulstecker, V-U-Y-L-S-T-E-K-E-R. Justine Vulstecker, elle a fini son film. C'est, vous allez voir du papier découpé. Je le mettrai bientôt, bien sûr, sur The Web Anime. Mais si vous tapez Fish Don't Need Sex ou son nom, si vous réécoutez, parce que là, vous l'écoutez en podcast, voilà, vous revenez en arrière et vous réécoutez. Vous trouvez assez facilement ces troisièmes quand vous tapez Fish Don't Need Sex. Un très très beau film, je vous le conseille. Donc voilà, c'est pour ça que c'était un petit clin d'œil à Justine en début. Et ensuite, D.O., Harry Belafonte, en effet, qui est notamment utilisé dans Beetlejuice, le film de l'ancien grand réalisateur Tim Burton. Voilà, c'était il y a longtemps, mais on l'aimait à cette époque-là. Alors, je vais faire une petite intro avant de dire mes invités qui sont autour de la table. La petite intro, c'est une petite chose rapidement. Je voudrais reparler. Oui, je sais, indéfiniment. Ils auront le droit d'envoyer un petit message. Sonny Colatis ou Francis Gavel du Piotr du Mawa Hippopotamus. J'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi je n'aimais pas ce film. Et donc, pourquoi j'aime pas ce film uniquement parce que ce que disaient Francis et Nicolas, c'était notamment que le réalisateur ne donnait pas son point de vue et que voilà, il nous montrait l'humanité telle qu'elle était. Et l'actualité nous montre suffisamment à longueur de temps que l'actualité, l'être humain comme il peut être. Et je pense qu'un film justement a besoin peut-être de montrer autre chose et de prendre parti, même si c'est sans forcément on va dire obliger le spectateur à prendre son parti. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un devoir, en tout cas un besoin de réflexion de la part d'un auteur, et je pense que du Mawa ne le fait pas, et que voilà, ça c'est ce qui me gêne énormément dans le film. Je sais pas si on en reparlera, je sais pas si Olivier, Lucie voudront en reparler tout à l'heure. On va parler de plein de choses dans cette émission. Oui, j'ai déjà dit deux noms. Donc vous pouvez savoir comme un petit peu. Mais voilà, je voulais dire ça. Juste, non, ce film est vraiment un film qui est nul, un film qui n'a aucun intérêt, et sauf le fait de provoquer, la provocation n'a pas grand intérêt. La preuve, comment il s'appelle déjà ce réalisateur autrichien qui est pas bon, sauf quand il se met à faire un Haneke, qui est pas bon, sauf peut-être dans les derniers films où là d'un seul coup il essaye de moins provoquer mais de faire autre chose. Donc voilà, je suis pas sûr que la provocation, qui est un peu un phénomène un peu facile dans nos sociétés, soit la chose la plus intéressante. Petite chose pour parler de complètement autre chose. Je viens d'aller voir l'exposition Beat Viola il y a une heure et demie, là, voilà. Et ça me rassure d'autant plus, j'ai été jury de l'ENSAL avec l'un des invités qui est autour de cette table. Et je disais à notamment deux, trois étudiants, surtout vous faites du cinéma, vous faites pas forcément de l'art vidéo, vous n'êtes pas forcément fait pour des galeries. On a besoin aussi de ce cinéma-là dans les salles. Et j'ai trouvé ça absolument insupportable, l'expo Beat Viola, dans l'idée du musée. C'est-à-dire que moi, je trouve que les films de Beat Viola doivent être vus aussi dans une salle de cinéma, comme les films de Gary Hill, Michael Snow, tous les grands arts vidéo. On doit se mettre, et c'est du cinéma comme un autre, pas forcément le cinéma d'entertainment, on en parlera aussi tout à l'heure, mais le cinéma doit être dans les salles, et c'est pas forcément des cinéastes de galerie. C'était insupportable, les gens passaient devant les vidéos tout le temps, ils prenaient des photos. Donc on avait sur les films de Beat Viola, si vous connaissez, qui sont assez lents, etc., on avait des flashs de photos qui arrivaient, enfin c'était vraiment absolument insupportable. Et 13€ pour ça, c'est quand même absolument un grand scandale. Je préférais payer 13€ sur 2-3 séances de cinéma pour voir ces films en salle. Mais Viola est avant tout un cinéaste et pas forcément quelqu'un qu'on met dans un musée. Voilà, c'était l'introduction rapide. Et donc je vais présenter les gens qui sont autour de la table maintenant, plus doucement. Lucie Mirigeau, bonjour Lucie. Bonjour. Voilà, qui fait plaisir de revenir. Vous allez comprendre après de quoi on va parler. Olivier Catrin. Bonjour Alexis. Et Franck Dion. Bonjour Alexis. Voilà, donc je vous l'avais dit, c'est un trois superbes invités. Et pour ces trois superbes invités, on a la chance d'avoir de nouveau toute l'équipe au complet. Rémi. Bonjour. Voilà, qui fait son bonjour un peu, voilà, comme d'habitude. Et Valentine, qui nous revient, les deux nous reviennent. Oui, bonjour. Voilà, elle est bien là. Vous pouvez remercier Valentine ou pas si vous aimez pas l'émission. Sinon, vous pouvez la remercier car c'est grâce à elle qu'il y a l'émission. Il y a 4 jours, elle me fait. Au fait, c'est quand la prochaine émission? C'est samedi prochain. Bon, il y a qui comme invité? Il y a personne pour l'instant. Bon, ben faut trouver. D'accord. Sinon, je pense que là, je serai tranquillement chez moi en train de. Voilà, donc merci Valentine. Vous pouvez voilà la remercier. Et bien sûr. Nous ne sommes rien, car en plein mois de juillet, il est là. Nicolas, derrière, qui me permet de dire mes bêtises et d'illuminer les paroles de nos invités, forcément magnifiques. Si ça, c'est pas un début d'introduction. Donc, on va prendre une pause. Bon, pour l'instant, il y a avec toi qui a parlé. Hein. Je voudrais pas non, dire, vous avez dit bonjour. Et donc, dans cette émission, en fait, j'ai voulu. Au départ, on disait, tiens, si on faisait encore une émission sur Annecy. Et plutôt que de faire une émission sur Annecy, on s'est dit, bah tiens, je savais pas trop qui j'allais avoir comme invité, comme je vous l'ai dit il y a 3 jours. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme une discussion entre nous, de voir où en est le cinéma, où en est l'animation, où en sont. La BD, où en sont. Enfin voilà, je sais pas, on parlera de plein de choses. Selon, on va se faire plaisir. Il y aura bien sûr l'agenda de l'AFCA. De toute façon, il y a 3 personnes de l'AFCA autour de la table, donc faut faire sérieux par ça, car Lucie est aussi de l'AFCA maintenant. Et oui, elle était enrôlée récemment. Donc voilà, en attendant, on va faire juste une petite pause musicale. Le temps que, oui, je reprenne mon souffle, tu as tout à fait raison, Olivier. On va écouter sûrement peut-être un des plus beaux albums qui est sorti récemment. Et alors, si je dis pas de bêtises, j'ai fait une bêtise, ça commence. Non, alors, est-ce que tu peux mettre, juste puisque je suis là-dessus, une minute du 3. C'est un clin d'œil, juste une minute. Ouais, alors, faut que je vous explique quand même. Comme dit Franck, ça serait bien. Ouais. C'est pour être une émission assez surréaliste. J'aurais adoré en fait la faire jusqu'au bout comme ça. J'ai commencé à préparer, puis j'ai pas été jusqu'au bout. En fait, c'est juste un clin d'œil. En fait, c'est assez simple. À Gilles et à Marine. Voilà. Donc c'est purement personnel. Vous pouvez pas comprendre autour de la table. Alors Gilles, vous pouvez connaître, savoir qui c'est. Marine aussi. Ils sont déjà venus autour de la table. Non, Gilles jamais, parce qu'ils sont feignants. Ils sortent jamais de Lille. Mais donc Gilles, voilà, et Marine, qui ont interprété cette chanson de manière exceptionnelle. J'espère qu'un jour on aura la possibilité de la mettre sur les ondes. Je sais qu'ils vont me détester après avoir dit ça, mais au moins, voilà, je suis content. Je l'ai dit. J'ai vécu ça. Et donc en effet, c'était la version Chipmunks d'une chanson qui s'appelle Chandelier de Sia. Qui est connu parce que c'est un clip assez étonnant avec une petite fille qui danse et ça fait assez peur. Donc voilà, vous pouvez regarder. C'est pas tellement le genre de musique, mais ils m'ont emmerdé pendant plus de 10 jours avec cette chanson que j'ai écoutée sous toutes les formes, en version hard rock, en version etc. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour eux, complètement gratuit. Et maintenant, on va revenir à notre émission normale. Donc, l'un des plus beaux albums qu'on a eu cette année, qui s'appelle Velova, sûrement un des auteurs que je préfère, qui s'appelle Dickengard. On va écouter Pire, qui est le morceau voilà, qui est sorti, qui était en live dans l'émission. Ça se regarde, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, le soir sur France 2. Voilà, on écoute et on revient après. Il y aurait tant de choses à dire. Il y aurait tant de choses à faire que je ne sais plus quoi te dire, que je ne sais plus quoi te faire. Le délit dans le délire, c'est d'attenter à sa vie, c'est de quitter le navire. En pleine intempérie, pire, je m'attends au pire, peu ou pour nos sauts se les cordes s'étirent, bonnes tables nous accueillent à satiété. Soirée leste, soirée fruste de volupté. Mon désir dévie vers toi seul, toi seul me va. Je m'arrange de ton linceul, de ton barda. Donc c'était Dick Engarn de son dernier album Velova. Pire, et maintenant bien sûr c'est l'AFCA vous parle. Rémi. Et là on commence avec les infos de l'AFCA. En plus. Les inscriptions s'ouvrent pour la fête de Nîmes. Alors vous pouvez déjà prendre des programmes clés en main si vous n'avez rien du tout. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la fête. Il est joli cette année. Et donc la fête, les autres années n'étaient pas terribles. Écoutez-moi, moins bien. D'accord. Et donc, ça sera du 17 au 31 octobre, avec Stéphanie Ansart et François Leroy comme invité d'honneur. Ensuite, Bru. Alors, la film est ouvert, ce sera jusqu'au 1er septembre. Donc, il y a jusqu'à la fin de l'été. Bru, c'est le festival de l'AFCA en Bretagne. Vous pouvez envoyer ça à film@afka.so.fr. Avec l'affiche à donner d'Amélie Haro. Parce que Olivier Catrin est là, voilà, qui a fait une affiche. Et l'affiche de la fête du cinéma d'animation de Koji Yamamura. Sublime, ouais, tout à fait. Superbe de Koji Yamamura. Ouais. Qui est disponible en ligne, donc vous pouvez la voir. Tout à fait, les deux. Alors, on va faire les festivals. Il y a un festival que je n'ai pas mis dans le dernier agenda de l'AFCA parce que j'ai reçu l'info un peu trop tard, mais c'est aujourd'hui, donc samedi 19, à Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard. C'est le festival cinéma dans les étoiles. Donc il y aura les 4 saisons de Léon de Pierre-Luc Granchon, un atelier de storyboard avec Christophe Gauthier à 17h30, donc bientôt. Un apéritif musical à 19h30. Ah, plus intéressant l'apéritif. Oui, il y aura à voir. C'est tombé storyboard, c'est rare. Une projection de court-métrage à 21h30 et la reprise des Étoiles d'Or, donc ça doit être le prix du festival, et un film surprise à 23h50. Je suis sûr que ça va être Frozen. Je le souhaite. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Mais oui. Je sais pas. Mais si, je le sais. D'accord, je te fais confiance. Ensuite, le festival Voyage et Liberté s'est organisé par Synambule à Mormoiron, dans le Vaucluse. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, ça sera le 23 août. Donc il y aura deux séances à partir de 20h, la première avec Asta Santiago. Ça a l'air vraiment nul, je ne sais pas ce que c'est, mais... Alexis trouve que c'est nul, si jamais les organisateurs écoutent. Pas du tout, c'est autre chose, on a pris une crise de rire pour... Vas-y, continue. Il y aura Mini Yamba de Luc Perez et Trame de Mikaela Pavlatova et plein d'autres films qui ne sont pas intéressants parce que ce n'est pas de l'anime. Et une deuxième partie avec La Grande Migration de Yuri Tcherenkov. Yuri, d'accord. Et bah c'est tout pour l'instant, on va faire en trois parties cette fois. Ouais, trop bien, on va faire en trois parties, on a décidé de... faire Rémi en façon puzzle, il va être un peu partout dans l'émission. Alors, c'est là où ça devient surréaliste. Oui, surtout qu'il nous a invités, mais on ne sait pas de quoi on va parler. En fait, on n'en sait rien du tout. Je voulais, parce que ça fait un bout de temps que vous venez parler au micro, notamment Olivier et Franck, juste faire un peu une espèce d'émission vraiment discussion. Évidemment, Valentine et Rémi, vous êtes bienvenus. Si vous voulez rentrer dans la discussion, si vous avez des questions, Lucie, de toute façon, toi, je vais poser des questions aussi. En fait, j'aimerais faire juste pas un point sur ce qu'est l'animation aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'on a vu à Annecy. Moi, il y a des choses qui m'ont paru évidentes, et notamment la première chose. Alors, je vais vous dire des choses. Vous me direz si vous avez envie de réagir, si vous n'avez pas envie de réagir. Vous pouvez ne pas réagir, bien évidemment. Je le répète souvent à ce micro-là, mais c'est notamment ce que me disait Koji Yamamura en décembre, quand j'avais la chance de l'interviewer, où il disait à un moment donné, mais moi quand je vais en festival, je me rends compte que je ne fais pas le même métier que les gens qui sont autour de moi forcément. Donc des fois je vais dans un festival cinéma d'animation, mais enfin voilà, je veux dire, je me retrouve avec des gens et on ne parle pas forcément, on a un langage peut-être commun et encore, entre les gens qui font du long, de la série, du court, etc. Et même à travers les cours. Voilà, je fais pas le même, on fait pas le même métier. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai l'impression qu'on disait pas ça il y a 20 ans. Moi, quand j'allais à Annecy, c'était tout le petit monde de l'animation qui se retrouvait. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Je sais pas, on peut commencer par Olivier, qu'elle a depuis plus longtemps. Faut être vieux pour répondre à cette question, pour évaluer l'évolution. Ou peut-être qu'effectivement, il y a 20 ans, l'animation, c'était un petit monde, peut-être beaucoup plus. Aujourd'hui, Annecy, c'est flagrant, c'est que c'est des gens qui sont dans des univers différents, qui se croisent à l'occasion d'un festival et qui n'ont pas forcément grand-chose à partager ou des pratiques qui sont très différentes. Maintenant, dans le domaine du court-métrage, je ne suis pas sûr que ce soit, qu'il y ait des réalités si différentes, un petit peu quand même, mais... Ça me semble moins évident. Ça, si ce n'est que c'est plus éclaté, il y en a plus dans des réalités très différentes. C'est moins un petit monde, quoi. Est-ce que tu fais le même métier qu'avec les Trois Ours, que, je sais pas, les films du Nord et Sacrebleu? Pour prendre deux exemples comme ça. Oui. Bon, ouais. J'ai l'impression quand même qu'on fait le même métier. Après, on a nos spécificités, mais on a l'impression quand même d'appartenir un peu à la même famille de producteurs, quand même. Alors après, il y a d'autres producteurs, non, pas du tout, mais... Mais dans les courts-métrages, aussi? Non, en général, les gens qui produisent des courts-métrages d'animation, ils ont quand même le sentiment de faire à peu près le même métier, ils sont confrontés aux mêmes choses. Franck? Toi qui as une double casquette, qui a la casquette papy 3D, producteur et réel, est-ce que quelque chose que tu ressens? En plus, tu le dis toujours, hein, tu le dis toujours, mais moi, l'animation, j'aime bien ça, mais enfin voilà, il n'y a pas que ça, le cinéma aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand tu vas en festival? Est-ce qu'il y a des gens qui te parlent et tu te dis, mais ces gens-là, ils sont d'une autre planète, enfin, ils sont dans la même planète que moi, évidemment, mais on fait pas le même boulot? Étrangement, la plupart des gens qui travaillent, moi, j'ai plus d'affinité, la plupart du temps, avec les autres producteurs. Donc là, je parle vraiment de l'aspect production qui m'intéresse aussi beaucoup. Hein. Je suis pas seulement, enfin, je suis producteur de par nécessité, mais je le deviens également, même si je ne produis que mes propres films. Hein, donc c'est un métier qui, je fais pas le même métier qu'Olivier en ce sens. Mais j'ai plus d'affinités et de choses. J'ai l'impression d'être plus en affinité avec les autres producteurs. Qu'avec beaucoup d'autres réalisateurs. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est peut-être pas si bizarre que ça dans la mesure où moi je ne viens pas d'études d'école d'art ou d'une formation spécifique aux beaux-arts et plus précisément au cinéma d'animation. J'ai pas ces référents-là, j'ai pas cette culture-là. Et ça m'amène à d'emblée, de toute façon je l'ai tout de suite vu, une forme de décalage, même s'il n'est pas flagrant, en tout cas de manière ressentie en ce qui me concerne, c'est toujours aussi, et c'est peut-être même plus fort aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans. J'allais te le dire, toi ton entrée en matière c'est pas un côté un peu fou, mais tu vas avoir Didier Brunner pour l'inventaire fantôme. Quand je dis un peu fou, c'est juste, voilà, tu vas vers celui qui t'intéresse le plus, celui dont le discours t'intéresse le plus. Oui. Donc tu rentres plus par le côté production et sans forcément savoir tout ce qui se passe en animation. Quoique c'est faux, puisque comme tu le dis, oui, tu connaissais McLaren, tu avais oui, quand même. Parce que j'ai eu cette chance-là ouais. des années auparavant, 15 ans avant, enfin 15 ans, un peu moins de 15 ans avant, mais j'avais quand même une culture de cinéma d'animation qui était autre que celle de Disney, Tex Avery. C'est pas du tout. Comment dire, c'est péjoratif ce que je dis, hein. C'est juste qu'à l'époque, Disney Tex Avery, c'était vraiment les deux approches grand public qu'on pouvait avoir de l'animation, avec des exceptions qui étaient Paul Grimaud, etc. Mais enfin, c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, je me souviens surtout de Tex Avery et Disney. Je me souviens pas d'avoir vu d'autres choses au cinéma et à la télé encore moins. Et c'est vrai que bah oui, bah je suis arrivé puis tard. Je suis pas, moi, je vois maintenant, il y a des gens qui font leur film, leur premier film, ils ont 20 ans. Moi j'ai fait mon premier film est sorti, j'en avais 34, donc ça fait une sacrée différence. Mais sinon, pour revenir à ta question initiale qui est-ce qu'il y a une évolution, moi l'évolution, même si je connais maintenant le milieu du cinéma d'animation depuis plus de 10 ans, j'ai en tout cas la certitude qu'il y a de plus en plus de monde, ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors est-ce que c'est parce que je voyage beaucoup, je vais dans d'autres pays, parce que bon, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on réalise, comment, quelles sont les contingences matérielles, financières, mais aussi artistiques des autres pays. C'est vrai que je trouve qu'il y a énormément de monde sur le marché, j'aime pas ce terme-là, mais dans cet univers-là. Et quand je parle de marché, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui œuvrent dans des domaines que je trouve radicalement opposés, je veux dire. C'est-à-dire que des gens qui ne font que de la publicité, quasiment que de la publicité, et qui sortent des courts-métrages une fois tous les 10 ans, ne vont pas avoir une même approche de leur travail que quelqu'un qui fait pas de publicité et qui va faire plutôt un court-métrage, qui va sortir un court-métrage de manière plus linéaire, plus. Mais alors justement, juste parce que tu disais que tu parlais pas forcément le même langage que d'autres réalisateurs, pour bien comprendre, ce qui m'épate, c'est qu'il y a des réalisateurs qui font des choses complètement différentes de toi, donc t'aimes beaucoup le travail. Tu parlais de Cédric Villain par exemple, donc je sais que t'aimes bien. Tu m'en parlais à Annecy justement en disant à quel point t'aimais bien La Guillotine. Enfin voilà les choses qu'il fait. Et pourtant c'est un cinéma qui quelque part est pas aux antipodes, mais presque de toi, non? Ou est-ce que je me trompe? Étrangement, c'est très drôle que tu me parles de Cédric, parce que hier, j'avais vu son film, le dernier film qu'il a fait, que je vous recommande chaudement, qui s'appelle L'ivresse de l'ignorance. Son défi des fous, hein, son dernier défi des fous. Voilà, oui, alors bon, ça fait partie du défi des fous, très bien, machin. Moi, je considère que c'est un film à part entière et une œuvre à part entière. Et je trouve que, alors lui, avec sa modestie habituelle, il le glisse comme ça dans le défi des fous. Genre, j'ai fait un deuxième défi des fous. Bon, c'est tout à son honneur d'être modeste. Mais je trouve le film remarquable. Et effectivement, c'est pas du tout, graphiquement, dans son mode de narration, c'est pas du tout ce que moi j'ai l'habitude de faire. Mais c'est vraiment, je trouve, il pratique un cinéma, et notamment avec ce film-là, que j'adore, quoi. Je trouve extrêmement intéressant et audacieux, et puis intelligent, moi ça me parle beaucoup. Donc c'est intéressant parce qu'on en reparlera après. Donc là on se place au niveau cinéma et on en parlera énormément, notamment quand on verra à quel point justement il n'y a pas que des rapports de graphisme, de visuel, et qu'on peut aimer évidemment des auteurs. Mais, pas du tout Olivier, oui. Ouais, j'aurais rebondir sur ce que tu disais Franck, parce qu'en fait t'as quelque part une position singulière dans le monde de l'animation aujourd'hui, puisque t'es pas sorti d'une école d'animation. Aujourd'hui, 85-90% des réalisateurs qu'on voit en compétition à Annecy sortent d'une école d'animation. C'est justement ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans, où les gens venaient d'horizons assez divers. Aujourd'hui, au contraire, il y a plutôt une uniformisation, même si les écoles sont très différentes les unes des autres. Mais tous, voilà, ils ont connu les mêmes, plus ou moins les mêmes parcours, les mêmes pratiques. Parfois, ils ont fait plusieurs écoles en plus, donc tout ça se connaît bien. dans des gens qui viennent du monde entier sont dans la même logique, c'est-à-dire qu'ils peuvent échanger. Moi, j'ai fait une école, oui, en Allemagne, moi en Angleterre, moi en France, etc. Donc, ça irait plutôt dans l'autre sens, quelque part, à part des dinosaures, genre Franck ou Cédric, qui ont un parcours un peu de côté, ce qui était la norme avant, en fait. C'était la norme, voilà, tout à fait. Donc, on reviendra là-dessus sur les écoles. Ce qui a changé aussi beaucoup, et Lucie est une représentante de ça, c'est évidemment le côté écrire, écriture, recherche. Si on réfléchit, il y a André Martin voilà, en France, Janelle Bouquet-Mendazzi, Olivier Cotte, Marcel Jean, il y en a sûrement quelques autres, Hervé Joubert-Laurencin, bien sûr. Qui d'autre ? Rien. Ah, N'oublie pas Hervé Joubert-Laurencin. Mais moi, je ne l'oublie pas. Malgré plein de choses, je ne l'oublie pas. Et je citerai toujours à ce micro, me lance pas. Donc, par rapport à ça. Non, mais donc voilà. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, vous avez sorti récemment, vous avez fait un colloque par an. Les archives sur les acteurs, il faut que tu parles ensuite dans le micro. C'est mieux. Il y a un livre qui vient de sortir sur les acteurs, des archives. Archives et acteurs. Archives et acteurs. Des cinémas d'animation en France. Voilà, Michel Armatan. J'ai reçu avant-hier, je suis désolé, je l'ai oublié ici. Est-ce que ça, tu le ressens, le fait qu'il y ait beaucoup plus de ce que là, enfin voilà, de gens qui écrivent et qui commencent à réfléchir sur l'animation ? T'es toute jeune, hein, voilà, je suis jeune, donc je vais pas avoir. Non plus une parole comme ça définitive, mais effectivement, j'ai terminé ma thèse de doctorat il y a un an et demi maintenant. Donc à l'époque, on était quelques-uns avec par exemple Sébastien Roffa, que vous connaissez sûr, certainement, à faire notre thèse sur le cinéma d'animation. Donc c'est très large, hein, parce que nos sujets par exemple sont assez éloignés l'un de l'autre. Moi j'ai fait ma thèse sur Pixar. Mais effectivement, c'était un moment quand même où il était difficile, par exemple, de trouver des directeurs de recherche pour nous suivre, où on a pu être un peu, des fois, regardé un peu d'en haut parce que le sujet était pas, enfin, l'objet était pas noble, on va dire. Et effectivement, depuis quand même quelques années en France, ça évolue. Alors que vous le savez peut-être, dans les pays anglo-saxons, ça fait déjà longtemps que l'animation. Oui, je l'ai cité, excuse-moi. Paul Wells, Suzanne Buchan, etc. Voilà, en Angleterre, par exemple, ils sont extrêmement prolifiques sur le sujet. Et il n'y a aucune gêne là-dessus. Nous, ça y est, c'est bon. C'est en train de c'est en train de le faire, quoi, vraiment. Donc, grâce notamment à des gens comme Hervé Joubert-Laurencin qui ont écrit depuis 20 ans, je pense, sur le sujet. Donc on commence à avoir des gens qui, parce qu'à la fois Hervé Joubert-Laurencin, Olivier, en fait, tous ces gens-là écrivaient de manière souvent assez large, même Marcel Jean, oui. C'est-à-dire que c'était sur le cinéma d'animation. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des gens qui vont écrire sur des choses très particulières. On a eu Sébastien Roffa qui est venu ici. Encore une fois, son livre, c'est un vrai livre passionnant pour les historiens qui vont pouvoir se replonger dedans, réfléchir dessus, etc., etc. Donc là, on a d'un seul coup une vraie réflexion qu'il n'y avait jamais eu en animation quasiment, ou en tout cas très peu. C'est ça, avec en tout cas des approches méthodologiques qui ne sont pas une approche journalistique ou qui sont des choses tout à fait différentes. Encore une fois, il ne s'agit pas de confronter, enfin de mettre dos à dos les approches. Mais là, l'approche universitaire, l'approche de Sébastien, qui est vraiment historique, c'est vraiment d'aller mettre les mains dans les archives et d'en tirer ces 1000 pages de thèse. Et effectivement, comme tu le dis, l'intérêt aussi aujourd'hui, c'est que chacun, par sa méthode et par son intérêt, va travailler sur des choses extrêmement spécifiques. L'animation télévisuelle, par exemple, pareil. J'ai entendu dans ton émission sur Annecy je crois que c'est Nicolas qui disait que voilà, l'animation télé, voilà, c'est pas intéressant, etc. Bon, moi, c'est pas mon point de vue, hein, je le partage pas. Et en l'occurrence, ça reste un objet d'étude extrêmement intéressant. Là, par exemple, petite minute réclame, le prochain colloque que l'on organise donc à l'université Sorbonne Nouvelle, c'est un colloque sur l'animation limitée. Donc c'est au... Je peux y aller, là, bien sûr, c'est au mois de novembre. Je couperai, si jamais il y a... Si. C'est Yandé, je ferai... Coupez, Nicolas, tu coupes. C'est 7 novembre, et donc on fait intervenir des chercheurs français sur le sujet, donc que ce soit des points de vue historiques, économiques, esthétiques, on a tous des approches complémentaires, et on fait venir également des intervenants étrangers. Il y aura par exemple Mark Steinberg, qui a écrit l'ouvrage animé Media Mix, sûrement Ami d'Amidi. Donc c'est déjà arrêté, ça y est, les noms sont... Ouais. Wow. Il y a Jonathan Gray, qui est un universitaire du Wisconsin, enfin de l'université de Madison, et qui, lui, a écrit un ouvrage sur les Simpsons, Il y a, enfin bref. Et Ami des Midi, il a écrit sur l'animation, sur le, pardon, je reprends mon truc. Sur, oui, sur le. Il a écrit sur la série, je veux dire, parce non, qu'il a écrit sur UPA, il a écrit oui, sur. Oui, mais là, ce serait plutôt dans cette perspective. D'accord, voilà. Okay, d'accord. Donc bon, c'est encore sous, en pour parler en oui. fait hein, avec lui, mais on croise les doigts. Et voilà, donc moi, j'ai l'impression que ça bouge et que on peut enfin être décomplexé et dire, bah oui, j'ai fait ma thèse sur Pixar et puis. Bah tant pis. Alors je vous conseille, à propos de ça vient de ressortir récemment, il y a une série des années 70 sur la planète des singes qui ressort, la 75, plus ou moins studio Fritz Freylang, et qui est assez étonnante. Alors là on est dans l'émission limitée, c'est quasiment pas animé, je pense que ça plein de gens crieraient au scandale en disant ça. Et c'est assez étonnant parce que c'est quand même assez adulte, et donc c'est une série 76, voilà, 13 épisodes seulement, et qui est assez étonnante. J'ai commencé à regarder et qui prouve que voilà, dans les années 70, on peut voir voilà, des choses pour adultes déjà à l'écran, dans les séries. Et pourtant, c'était des Sunday morning, hein, c'était des dessins animés du dimanche matin. Donc, c'est assez passionnant de voir que plutôt que de jeter les séries télé en un seul bloc, bien évidemment, il y avait des choses. Et il y a toujours des choses aussi assez passionnantes. Et il faudrait même espérer qu'il y en ait de plus en plus, des choses passionnantes. Parce que voilà, Moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Oui, c'est assez bizarre parce que je pense qu'on l'a pas ressenti suffisamment. Je pense que c'est l'un des points faibles du Festival d'Annecy pour moi, en tout cas. Je pense qu'ils réussissent au niveau du court-métrage. Je pense que la programmation étudiant et la programmation école et la programmation pendant télé est encore très faible. Franck, est-ce que c'est pas dû au simple fait des envois? Parce qu'ils sont quand même tributaires des envois. Alors, c'est aussi à eux d'aller chercher, et c'est le travail que fait notamment Marcel Jean, d'aller chercher, d'écumer les festivals du monde entier. Mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait que beaucoup de séries télévisées ne jouent pas le jeu, comme beaucoup de longs métrages, d'ailleurs, anglo-saxons, suivez mon regard, du côté de Pixar, DreamWorks et consorts, qui refusent catégoriquement de rentrer dans les sélections officielles compétitives? C'est une question que je pose. T'as sûrement raison, et à la fois je reste persuadé que 4 personnes pour faire tout ça, c'est trop peu. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ça c'est un autre problème. Là on est passé peut-être à une époque de 9 personnes avec des sélections, 3 personnes par comité de sélection qui voyaient donc déjà énormément de films, et même là si c'est plus étendu. Et puis je pense qu'on peut pas être bon en tout. C'est-à-dire que je pense que moi par exemple, qui m'intéresse beaucoup aux films d'étudiants, j'ai eu la chance, comme je disais, de faire celui de Zagreb avant de voir ceux d'Annecy. Je pense qu'il y avait des films. Alors après, heureusement, ça fait partie du lot, mais ça, c'est une autre question que je vais poser après. Non, allons-y sur les festivals. Je voulais partir sur les écoles, mais allons sur les festivals. Très bonne question. Le Festival d'Ottawa vient de tomber, les sélections du Festival d'Ottawa viennent de tomber avant-hier. Et je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des films qui sont des winners du début jusqu'à la fin et qu'on va voir dans tous les festivals? Alors, il y a le réalisateur, évidemment, et Franck qui a eu 3 de ses films, donc il va nous en parler. Parce que j'ai vu des films notamment, j'ai été surpris par exemple. Alors, c'est toujours compliqué de dire des noms de films parce qu'on va croire que je dis forcément que c'est des mauvais films. Mais par exemple, dans ces listes-là, on a des films qui reviennent tout le temps. Par exemple, Le Parfum de la Carotte d'Arnaud Demain. Alors pourquoi pas, hein, j'ai rien contre le film, qui est de manière assez étonnante. Arnaud pourra appeler s'il veut, voilà ou quoi, mais à Ottawa. Alors c'est vrai qu'Ottawa a un côté un peu plus arty entre guillemets. C'est pas parce qu'il y a une catégorie. Catégorie enfant, c'est dans la catégorie enfant, bien sûr, oui, tout à fait. Mais par exemple, je veux dire, dans la catégorie adulte, sur 7 films en compète, hein, vous m'écoutez bien, 4 sont du même réalisateur, un certain David O'Reilly, vous savez, celui qui a la mode là. Alors c'est des petits films d'une minute, mais ils auraient pu les mettre en un seul. Il y en a 4 sur les 7 qui sont de ce réalisateur-là. Plus hype qu'O'Reilly, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'animation, on ne fait pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres noms. Voilà. Non, mais Ottawa, c'est très particulier. Oui, c'est une politique, moi, à mon avis, qui grave une balle dans le pied. Tant qu'il continue, bon, ça tient à la personnalité du... Chris Robinson, ouais. De Chris Robinson, qui est un personnage particulier, quoi. Tant que les gens continuent à jouer le jeu et à aller au festival et à alimenter le festival en film, et ça veut dire que les gens s'y retrouvent quelque part. Pourquoi pas? Il y a suffisamment de festivals, finalement, pour que les uns et les autres, on s'y retrouve. Mais pas envie de prendre Hippopotamus, qui est dans tous les festivals d'anime. Il les fait tous. Est-ce que ça, c'est pas un phénomène de « il nous faut le film » parce que c'est un film qui est un peu... ça va faire un peu grincer les dents, c'est aussi le nom du réalisateur. C'est vrai que quand on a une personnalité comme Piotr Dumawa, c'est difficile de ne pas prendre le film en sélection, je pense. Ça joue. Ouais. Ah oui. Pendant des années, Annecy, ça n'a pas forcément joué. On n'avait pas de. À part Clinton, qui était finalement tout le temps en compétition, mais ça, c'était parce qu'il fallait lui payer. Enfin, il fallait bien qu'il vienne. Non, hein, non, il n'a pas tout le temps. Heureusement, il était en compétition. Il ne manquerait plus que ça. Il est arrivé parfois que des grands noms de l'animation se retrouvent en panorama, mais souvent, ils étaient quand même en sélection. Non. Si, oui. C'est ça, c'est, donc ça veut dire qu'il y a... On ne peut pas ne pas montrer le dernier film de machin. Il y a un côté comme ça. Mais c'est aussi une question de politique éditoriale. Ça veut dire que c'est normal que les festivals suivent des gens qui ont fait des films remarquables. C'est normal qu'au bout d'un moment, quand il y a un dernier Chris Lambert... malgré la qualité du film, moi j'aime beaucoup son cinéma, mais on a envie, alors que ce soit en panorama ou pas, on a envie de dire tiens, voilà, c'est le dernier Chris Lambert. C'est normal qu'il y a un accompagnement de la part des festivals sur. Alors, c'est une très bien ce que je dis, mais j'ai pas fini de parfaire la corde, on pourrait croire que j'ai dénigré le film. Ce que je veux dire, c'est comme il a eu le prix à Annecy, je me disais est-ce que justement un festival comme Ottawa, qui est un festival qui, a priori, moi, dans mon idée, voilà, prenait des choses un peu plus arty, etc., qui faisait ça. Ne prenez pas ce film-là. Voilà, je finis quand même pour pas qu'on dise que j'ai juste dit un truc. Voilà, c'est, je me disais, ah bah tiens, ce film-là a eu le grand prix à tel festival. Ouais, il faut qu'on le prenne. Moi, je me rappelle le logorama qu'on succès, était obligé de prendre. Hein. Le succès appelle le succès, c'est évident. À partir du moment où un film commence à avoir du succès dans des festivals, des prix, il est demandé par d'autres festivals. C'est-à-dire qu'il y a des festivals qui font leur... C'est assez logique, quoi. Leur programmation dans d'autres festivals. Sauf effectivement, un festival comme Ottawa, quelque part, a une ligne éditoriale qui est très spécifique, qui effectivement peut affranchir de cette logique-là. Mais la plupart du temps, les festivals, ils veulent avoir ce qu'il y a de mieux. Quelque part, donc les films les plus connus, les plus importants. Edmond était un âne. À Ottawa. Non, mais il a bien fonctionné quand même. Bah Edmond, je veux pas me plaindre, mais tu sais, quand on gagne des prix et quand le film marche, se vend en télévision et tout ça, on prête qu'aux riches. Hein. Ouais. Ça, je veux dire, c'est pour ça que ceux qui disent les prix, moi je m'en fous surtout pas. D'abord parce que tu reçois du pognon. Ouais. Et puis ça, mine de rien, bah, c'est bien. Hein, moi j'aime bien. C'est important. Non, puis surtout parce que t'es reconnu et puis que ton film il est diffusé. C'est une chance immense au regard du nombre de courts-métrages qu'il peut y avoir. Comme c'est en plus pas une industrie, comme c'est sûrement pas une économie viable, il n'y a pas d'économie dans le court-métrage en fait. Je veux dire, il y a des circuits de distribution éventuellement, des circuits de production, mais sinon, on a que nos yeux pour pleurer si le film il n'est pas pris dans les festivals parce que personne ne va le voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de. Alors. Je l'avais dit, hein, on mélange tout. On reparlera sûrement de ça avant, mais par exemple, il y a un phénomène qui, moi, m'intéresse. Alors, c'est un peu particulier, c'est peut-être pour les enfants, là, mais il y a un film de Gabriel Jaquel sur Train-Train, qui est déjà venu ici, sur Beethoven, qui a été pris quasiment dans aucun festival. Et Gabriel était assez désespéré. Ah, oui. Il passe le Piano Magique, qui est un programme en salle. 50 000 personnes l'ont vu. Alors, c'est vrai... Sûrement 45 000 enfants, voire plus à l'intérieur. C'est pas forcément des gens qui vont être prescripteurs, etc. Mais le film a quand même été vu. Et le film, finalement, et s'il rentre dans le dispositif, ce qui est de grande chance, ça se trouve, lycéen, enfin, pas lycéen, mais collégien au cinéma, etc. Le film va être vu peut-être par plus de gens. Moi, je trouve que c'est la vocation d'un film. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une diversité, il n'y a plus que les festivals, finalement. Peut-être. Est-ce qu'on peut pas imaginer. C'est tellement rare. On peut pas le. Je suis très, très heureux lorsqu'il y a ce type d'initiative, pourvu que ça marche. Parce que si c'est pour sortir un long métrage en salle et qu'il soit vu par 10 000 personnes, je vois pas l'intérêt. Enfin, si, l'intérêt c'est qu'il soit vu déjà par 10 000 personnes. Je devrais pas dire ça, c'est très con de dire ça. Mais on peut pas le. Malheureusement, ça ne se généralise pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. En fait, il y a très peu de courts-métrages qui sortent en salle. Et ce sont essentiellement des courts-métrages jeunes publics. Même pour enfants, parce qu'on peut se rappeler que malheureusement, la Vénus de Rabot est sortie dans un programme avec Logorama et ça n'avait pas du tout marché. Oui. Bon, enfin, je ne sais pas combien, 8 spectateurs, pas beaucoup probablement. Ouais. C'est un programme adulte. Non, mais c'est vrai qu'il y a très peu de courts-métrages qui ont cette chance-là. Donc effectivement, quand on est dans un programme comme ça, ça permet d'élargir un petit peu le public. Donc c'est une chance en plus. Mais c'est vrai que la vie du court-métrage, en général, il n'est pas là. Sauf effectivement, sur Parfum de la Carotte, il a la double chance. Il est à la fois, comme il est réussi, il est diffusé en festival, il y a des prix dans les festivals, et en plus, il sort en salle et il est vu par plein de jeunes spectateurs accompagnés. Ça, c'est un gros travail du producteur aussi. On sait qu'Arnaud est très. Avec GBK, il travaille beaucoup et il essaye de proposer. Il a un catalogue. Il y a un certain nombre de producteurs en ce moment qui se posent la question, justement, comment on peut faire pour essayer de produire aussi des films qui soient pour les enfants et qui soit donc montré dans des salles et qui touche ce public-là. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver l'argent pour les produire, ces films-là. Ils sont très bien diffusés après, quand ils existent, mais pour les faire exister, c'est très compliqué. Donc effectivement, on essaye d'améliorer un peu. Alors, tout le monde n'est pas intéressé par cette question-là, mais il y a un certain nombre de producteurs qui sont intéressés par cette question, voilà, de produire des films qui vont être diffusés en salle. C'est ça la multiplicité des diffusions. En sortant de l'école, va sortir en salle aussi à la rentrée, alors que c'était produit pour la télé. Mmh. Et aujourd'hui, ça a une sortie salle. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'embêtant par rapport, parce qu'on se dit produit par la télé, c'est pas nouveau, ou au contraire, hein. C'est plutôt il y a souvent eu des spéciaux télé par exemple qui sont sortis en salle, ouais. L'enfant en grelot, Géniaux, Loulou, c'était un peu entre les deux, je sais plus si finalement c'était un court-métrage ou c'était une demi-heure, mais il y avait d'autres choses qui étaient avec, y a ça, des unitaires télé comme ça qui sortent en salle accompagnés d'autres court-métrages, donc c'est une bonne chose c'est une variété. L'important, c'est de donner l'habitude au public d'aller voir ces films-là. Plus il y a d'animation sur les écrans, plus il y en a, plus on pourra. Plus les gens iront voir. Ouais. Franck. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Les programmes sont bons. Voilà, exactement. C'est conditionné par la qualité des programmes. Parce que si c'est hermétique, chiant, et à mon avis, non. C'est à double tranchant, cette histoire. C'est comme les longs métrages. Là, je mélange un peu tout, mais c'est comme les longs métrages d'animation. Si on produit trop de choses au rabais, pas intéressantes, et ben, les gens se détourneront de ce qu'ils vont considérer en plus comme un genre. Là, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Sauf que là, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? Alors, là, je me tourne vers Lucie. De nous, en tout cas, alors, t'es pas critique complètement, bien évidemment, mais des critiques d'essayer de justement pouvoir dire, attendez, La Reine des Neiges, c'est quand même pas si génial que ça, ou je sais pas, Plains 2, ou bien évidemment, je sais pas, le Miyazaki, ou voilà, c'est pas forcément tapé sur Disney ou sur les gros américains, même si j'aime bien moi le dernier Miyazaki, mais imaginons d'autres films japonais, est-ce que c'est à nous aussi, est-ce que tu penses qu'il doit y avoir un regard critique plus fort? Est-ce que toi tu ressens qu'il y a un regard critique fort? T'es aussi une passionnée d'animation, t'es pas que une chercheuse. Est-ce que je sens qu'il y a un regard critique fort sur l'animation? Ouais. Je sais que dans votre petite bande de choses, il y a Marie Pruvot de Lade qui écrit. Oui, un peu au cahier. Un peu au cahier, mais quand elle était venue ici, elle nous a dit à quel point c'était compliqué. Oui, je crois, oui. Hein, d'écrire aussi quand même au cahier. Alors, sur l'anime, il y a un vrai manque là. Si Lucie veut pas, enfin, vas-y. Si, Non, effectivement, il y a. Après, par exemple, il y a Positif qui fait quand même régulièrement soit un dossier spécial ou des articles assez complets, mais oui, il n'y a peut-être pas. Moi, le truc, c'est que je ne te cache pas que je lis assez peu les critiques en général. Ouais. Mais effectivement, sur l'animation, il y a un manque. Et puis, il y a surtout les mêmes. Toujours les mêmes bêtises qui sont redites, quoi. C'est vraiment le côté. On parle toujours des mêmes films. Et puis, c'est toujours pour dire à quel point, effectivement, quand on parle de Frozen ou pour des films Pixar aussi, ou même de Miyazaki, l'espèce de mythe autour. De le mythe de la création, le mythe du studio, c'est génial, etc. Et peut-être qu'on ne parle pas assez de choses moins commerciales à la fois. Mais même de la quintessence du film, récit, de la manière dont il est raconté. Mais c'est évidemment. Parce que les gens, il y a quand même moi quelque chose qui me gonfle profondément dans le cinéma d'animation, c'est que pour moi c'est du cinéma avant tout. Parler cinéma, c'est beau de parler cinéma, c'est intéressant quand on aime le cinéma. Et je trouve que c'est vrai que tu as totalement raison, la plupart des critiques, des grands médias, hein, parce que sinon, il suffit de regarder sur Internet, il y a plein de gens qui parlent de l'animation. Voilà, alors sur Internet, effectivement. Je te laisse. Alors, on va s'arrêter là, on va faire une première coupure. Ah ouais. Et en fait, on va revenir après sur Internet. Non, parce que j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps. Parce que c'est à la fois très mitigé ce qui se passe sur Internet. Il y a des choses passionnantes. Ouais. Et j'aimerais parler aussi un peu du waouh, trop génial! Pour 30 secondes d'animation que des fois des gens mettent. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça aussi. On va faire une petite pause musicale pour fêter un anniversaire il y a à peu près 20 ans. On est 4 jours, on est le 19 juillet. Non, ouais. Non. Il y a Franck qui me fait oui, des fois je me dis ah, Non. Il y a 20 ans, il y a quelques jours, donc le 14 juillet sortait à Hong Kong, sûrement l'un de mes films préférés, fétiche, qui s'appelle Chungking Express. Ah non. Donc voilà, donc vous allez entendre. Je savais pas quoi mettre. Je me disais, est-ce que je vais mettre Wong Fei? Est-ce que je vais mettre California Dreamin'? Est-ce que je vais mettre. Et finalement, j'ai choisi de vous passer ça. On écoute Nicolas, merci. Stop. 咁啊 ，boarding pass 你会唔会俾佢相机？日子系今日嘅，我搭湿咗啊，又唔知入边，你知唔知啊？ 唔知咧，不如我换个张俾你啊。 无所谓啊，你想去边咪去边。 Chers auditeurs, c'est Olivier Catrin qui prend la parole. Parce que vous n'avez juste le son, vous n'avez pas l'image. Alors, je vous explique pendant les extraits du film. Quand les personnages parlent, Alex Huneau fait la traduction et il s'émeut tout seul jusqu'aux larmes pratiquement. Et quand ça chante, il chante aussi en cantonais. C'est un spectacle magnifique. Merci Olivier, donc on va essayer de repartir avec ça. Ouais, je fais ça sur Chungking Express, hein. Je connais à peu près, je connais pas non plus, je suis pas un fou furieux qui connaît mot à mot, hein. Faut pas exagérer, je connais plus ou moins, elle est super belle cette fin. Donc Tony Leung Chiu-Wai, Wong Fei, et bien sûr vous avez reconnu pour certains une reprise des Cranberries, qui est donc dans le film, et au tout début en effet les Mamas and Papas, Califana Dreamy, voilà, qui accompagne tout le film, deuxième partie de... La voix de l'Afka. Yep. On va faire les événements. J'en ai déjà parlé. C'est l'exposition Motion Factory, la Gaîté Lyrique. Elle se termine le 10 août. Pour ceux qui veulent y aller. Alors, est-ce qu'il faut y aller, Lucie? Je ne pense pas. Pourquoi? Non, c'est intéressant parce qu'on a failli en parler avec Ilan, on n'a pas eu le temps d'en parler. En effet, je me posais la question de savoir comment parler d'animation aujourd'hui. Et j'étais un peu furieux par cette expo. Et à la fois, est-ce qu'elle n'est peut-être pas intéressante pour des gens qui ne connaissent rien? Bah je pense que pour des gens qui n'y connaissent rien, que vont-ils apprendre? J'ai trouvé ça assez peu explicatif, pour le coup très jargonneux. Et il y avait des très belles choses exposées, hein, loin de moi de tout remettre en cause. Les films, il y a des films qui sont sublimes, etc. Et puis on voit les décors, des recherches, etc. Mais tout est mis sous verre, là, dans des... Il n'y a aucune forcément chronologie, justement, des étapes de production d'un film. Et puis c'est comme ça, un peu à l'envi, avec un petit cartel, avec des mots de plus de 6 lettres, et puis on va vous épater, quoi. Et moi j'ai trouvé ça assez... Enfin, il y a un côté très galerie, très musée, ouais. Pour le coup, très poseur, pardon. Non. Donc moi ça ne m'a pas... Enfin, ouais. C'est ce côté-là qui m'a vraiment déplu. Je pense que pour le coup, l'animation mérite vraiment qu'on explique plus les choses et qu'on arrête de mystifier encore une fois ce processus, ce côté l'artiste, comme ça, ça va bien, quoi. Ah là là, Lucie, merci. Merci mille fois, parce que c'est vraiment aussi mon ressenti. Moi, je me suis pris la tête sur un forum des fous d'anime, pour pas le nommer, enfin, pas trop finalement, mais en plus avec des gens que j'aime bien. C'était un crime de lèse-majesté. J'étais en train de massacrer une vache sacrée, quoi. À partir du moment où on fait une exposition sur les trucs de stop-motion, qui en plus est un truc qui est complètement... Dans le milieu de l'animation, le top du top, l'aristocratie suprême, c'est le stop motion. Alors rien que ça, ça me gonfle, hein, parce que je déteste les vaches sacrées. Et j'avoue, on l'a vu ensemble en plus. Ouais, moi, il y avait mon fils qui était là. Je l'ai vu notamment, tu étais là, Alexis, puis avec un autre copain. Je boude pas mon plaisir devant certaines pièces qui sont absolument splendides, vraiment. En revanche, il y a vraiment des choses. Et puis ce côté, moi, je crois que tu as très bien résumé moi ce que je reproche aussi à cette exposition, c'est le côté très muséographique de l'exposition, plutôt didactique, et d'avoir été un peu imaginatif dans la manière même de la scénographie. Là, on aurait pu faire quelque chose de vraiment. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Il y a ça aussi. Hein, faut pas. Ceci étant dit, c'est la Gaîté Lyrique. Ouais, t'as vu les gros trucs comme ils sont. Non, mais je veux pas non plus faire de... Alors pour me faire l'avocat du diable. Je sais en revanche qu'il y a des ateliers apparemment qui sont très sympas, ouais, autour de l'événement qui se passe au sein même de la Gaîté Lyrique. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant en termes de pédagogie, d'inclure les gens et non pas justement de... Mais moi, ce qui m'a surtout révolté au sein de cette exposition, c'est que sont mis en avant surtout des trucs mais merdeux. Et oui, ce truc-là de pub infernal. Et ça, c'est ça qui m'a agacé. Ouais. Hein. Et une fois de plus, je tiens à dire qu'il y a de très belles choses, mais qui auraient pu être mises en avant de manière beaucoup plus intéressante et créative. Ce qui est dommage, c'est que finalement, on est fait plus en avant, par exemple, ce qu'avait fait Jean-Marc Roll, c'est... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Emma de Sueff, oui. Merci. Par rapport à la bande-annonce, justement, d'ailleurs, du Festival de Bruges, qui était largement plus intéressant. Mm-hmm. C'est rigolo, là, ce qu'ils ont fait, Sugar, mais bon, c'est de la pub, c'est pas le plus intéressant. Ils ont fait, et on met en avant, en effet, on veut nous faire croire qu'il y a un côté artisanal, alors que beaucoup de ces choses-là ont été faites avec beaucoup d'argent. Beaucoup de pognon, enfin, c'est honteux, c'est scandaleux de laisser entendre ça. C'est ça qui m'a mis en colère, qui m'a mis très en colère. C'est cette espèce de mensonge qui consiste à faire croire que de faire des personnages de Disney plaqués sur... Ah oui, alors ça. Plaqués sur du... Comment ça s'appelle? Du carton plume. C'est extraordinairement créatif et machin, truc chouette. Je sais pas quoi. Ils ont mis un budget dingue pour faire cette daube. Ouais, c'est attends, vraiment, j'aime pas non plus être radical comme ça. C'est vrai qu'il y a du travail, c'est vrai que... Mais pour ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pour vendre du PQ, on s'en tape. Je veux dire... Enfin non, sincèrement, c'est pas bien, quoi. On reviendra là-dessus, alors, peut-être, ou pas? Donc, vous avez jusqu'au 10 août pour ne pas y aller. Non, c'est, attention, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'y suis pas allé. Pour y aller, râler. Continue. Je vais prendre beaucoup d'avance sur les prochaines émissions, parce qu'en août, il se passe rien du tout. Les Chemins de la Création, ça sera les 3 et 4 octobre à Veilly de Fontevrault, donc c'est la 3e édition. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne. Par contre, cette année, on n'aura pas les dortoirs pour ceux qui veulent un logement pas cher, donc il faut mieux partager des chambres d'hôtel. C'est à cause des étudiants de l'atelier de Sèvres qui nous piquent les dortoirs. Salaud. Je suis prof là-bas prochainement, on va éviter de dire... Non, ils sont très bien les ateliers de Sèvres. Les ateliers... Ah oui, je connais un peu, on n'a pas dit que du bien. Salaud. Ok, non, Catherine, c'est une plaisanterie. Non, mais en effet, ils prennent tous les... C'est chiant, mais il y a un nouveau restaurant. Oui, mais on est obligé de prendre les trois repas, par contre, apparemment. Bon, on verra. De toute façon, cette année, c'est moins intéressant. Non, je plaisante. Non, mais il y a Garibardine. Intéressant, Garibardine. Mais il est devenu chiant, je pense. On va voir ça. Vous pouvez prendre l'animabus aussi, comme d'hab. On a dit qu'on disait ce qu'on voulait. Dans les ateliers formation, alors l'équipe P fait un stage autour du Lego. Donc les 21 et 25 juillet, ça, bon, c'est pour les enfants. C'est original. Oh, ils s'amuseront bien, les gosses, au moins. Je sais pas pour qui c'est 8-10 ans. Non, mais si vous disiez Franck, à l'instant, c'est un peu agaçant, là, le Lego, le film marche, donc on va faire que du Lego. La stop motion, en fait, c'est même pas la stop motion, c'est du stop mo maintenant. On dit qu'on fait de la stop mo, il y a un truc qui est quand même sûrement le terme le plus ridicule, on en a déjà parlé du monde, stop motion, c'est le mouvement arrêté, c'est quand même la base d'absolument toute animation. Après, on peut arrêter un objet ou on peut arrêter un dessin, mais de toute façon, c'est ça l'idée. Donc ce terme est vraiment ridicule, donc c'est vrai qu'on est pas mal sur des... Bon, on en reparlera. Sur ces phénomènes de mode. Ils font, on va te laisser finir. Ouais, ils font un deuxième atelier, alors ce sera une initiation au cinéma d'animation, je n'ai pas un truc plus précis, du 25 au 29 août, pour les 12-13 ans. Animadoc, alors ça, c'est le premier qui m'a envoyé ça. On a jusqu'au 23 juillet pour envoyer les dossiers, donc il faut se dépêcher un petit peu. Ce sera un atelier destiné aux réalisateurs de documentaires qui veulent intégrer de l'animation dans leur travail. Donc ça peut être intéressant. Ça sera des conseils du script au storyboard avec des professionnels du secteur. Et ça coûte 120 euros pour les frais de bouche. Je passe au fur et à mesure. Il y aura normalement peut-être Harry Foyman qui viendra même. Un truc que j'ai vu ce matin, une masterclass in story development, character design and animation. C'est tout en anglais, ce sera au 104 le 1 ou 3 août. Mais j'ai pas tout compris parce que c'était en anglais. Bon, ça, tu vas aimer. Par contre, j'ai vu sur The Web Anime les rencontres animation formation. C'est en novembre. Oui, bah, je sais, mais je prends de l'avance. Triplé. Les news. Alors, je rappelle qu'en 2018, sortira dans le film. N'oubliez pas d'aller voir. Les places sont limitées. Donc, ça sera les 20 et 21 octobre, novembre à la Cité de la BD à Angoulême. Donc, c'est la rencontre animation-formation pour dire évidemment les RAF, hein, non pas les fractions armées rouges, mais les RAF, quoi que ça pourrait être intéressant. Et ça tombe très bien. C'était la dernière news ? C'était la dernière pour l'instant. Et ça tombe très bien parce qu'on va parler. Non, c'est quelque chose d'intéressant, c'est toutes les écoles d'Eureka qui se mettent dans un chapiteau et qui parlent. Et qui parlent à des professionnels qui sont souvent des professionnels de gros studios. Il y a assez peu de petits studios qui viennent parler. Moi, j'aimerais bien que les trois ours, que je sais pas, deux minutes, enfin voilà, parlent, même si deux minutes c'est un peu plus gros, voilà, dans ce qu'ils font aujourd'hui, mais des petits studios. Est-ce qu'on a un problème? Et tiens, on va faire parler Valentine et Rémi. Rémi, toi, tu fais une école qui fait pas forcément de l'anime. Oui, enfin, c'est très généraliste, c'est sur le cinéma en général. Donc. Et pourquoi tu as décidé de faire de l'anime? C'est quelle école? C'est Paris 8, c'est une université en fait. Et tu décides toi de faire de l'anime? Tu voulais en faire avant ou C'est au cours de ma licence, je me suis dit que c'est plutôt par là que je voulais m'orienter, parce que c'est ce qui m'intéressait davantage pour faire le film que je voulais. C'est l'endroit avec Florentine Grelier, ça t'a... Oui, j'ai eu Florentine. Ça t'a marqué, prof, t'as dit que tu voulais faire de l'anime, ouais. Oui, puis j'en faisais aussi pas mal chez moi. Ouais. Et t'as pas voulu faire une école d'anime? Non, parce que je trouvais qu'on avait plus de liberté à Paris 8. Enfin, j'apprends un petit peu en autodidacte, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours. Mais c'était... Je ne voulais pas trop faire de la technique en permanence toute la journée, parce que là, avec Paris 8, j'ai la chance aussi de faire pas mal de théorie. Valentine, toi, tu es sortie, on sait, donc de l'ESAT il y a un an maintenant. Tu as un parcours qui est un petit peu particulier, il y en a quand même quelques-uns, puisqu'en fait, t'as pas eu, donc t'as pas d'école, t'as arrêté, t'as fait deux stages, un train-train, un ou trois ours. Oh ma pauvre. Un long calvaire qui, voilà. Et est-ce que c'était, est-ce qu'aujourd'hui, de pas avoir d'école, c'est quelque chose que t'as fait les SAD quand même, hein, t'as fait ces deux ans. Est-ce que là, tu te dis en septembre prochain, ah ben tiens, je veux refaire une école. Est-ce que tu voulais retenter une école ou pas du tout? T'es content d'être sorti enfin du milieu scolaire? C'est délicat. Je me posais beaucoup la question. Après, comme j'ai beaucoup pris j'étais qu'une stagiaire, mais j'ai beaucoup pris en tout cas les projets sur lesquels j'ai travaillé à cœur. Donc je me posais presque pas la question d'une école. Enfin, je me sentais bien là où j'étais et c'était très difficile de m'imaginer reprendre une école après ça, parce que j'avais peur que justement ce soit trop dur que les contraintes ou d'être jugé, ou enfin on peut être jugé dans le monde du travail, enfin ça peut être dur, mais je trouve que c'est moins dur que les jugements dans une école, enfin ouais. Ça a été moins dur pour moi. On en parlera dans quelques années. Non mais c'est intéressant. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais on va parler évidemment des écoles, qui est un phénomène très important. Donc là, le fait justement d'être, de sentir faire des choses. Ouais, c'est ça. Et puis ça sert à quelque chose. Ouais. C'est pas une mise en situation. C'est pas. C'est quelque chose qui va vraiment servir, qui va être mis dans un film. Enfin, je sais pas, qui fait vraiment avancer quelque chose, alors que quand on est dans une école, on est plus en exercice, en mise en situation, on fait rien qui sort vraiment de l'école. C'est quelque chose de très fermé. Et de plus en plus, pourtant, les écoles proposent des films. Oui, des films de fin d'études. Des films, mais même avant les films de fin d'études, oui, les créadocs, LMK, etc., etc. Est-ce que c'est la chose qui te fait envie ou Oui. Ouais. Ou tu sens que tu peux le faire de façon hors école. C'est ça, c'est ce que je me dis. Mais c'est vrai que ça fait très envie, parce que enfin il y a quand même l'ambiance d'une école, la dynamique d'une école qui peut beaucoup aider à avancer, mais je sais pas, moi en tout cas cette année j'ai pas. Est-ce qu'on a l'inquiétude, est-ce qu'on peut avoir l'inquiétude aussi d'être dans un moule quand on rentre dans une école? Oui, aussi, oui. Je pense qu'on est toujours un peu influencé, mais on peut quand même être assez fort pour sortir du moule et même après, enfin je pense que c'est après qu'on se défait de tout ça, et en sortant peut-être qu'on est dans un moule encore, mais je pense que ça part assez rapidement. Les écoles sont plus ou moins moulantes. Oui, mais je suis pas sûr que c'est si facile que ça, justement, de sortir du moule et de sortir. Oui, on dit souvent, mais il faut qu'ils apprennent l'alphabet. Et souvent, qu'une fois qu'on a appris l'alphabet, qu'on sait bien parler, c'est difficile de revenir en arrière et de malmener un petit peu la langue, et de, finalement, des fois, de ne pas savoir des choses nous permettent aussi de faire, vous savez, ces fameuses règles qu'on impose au cinéma, la règle des, je ne sais plus combien, 150 degrés, ou 125, ou 143, ou voilà, etc. Que Scorsese dit lui-même suivre uniquement parce que sa script le répète à longueur de temps, qu'il faut qu'il s'en souvienne, ou Kurosawa dit que ça ne lui sert à rien, ces règles-là, qu'il les fait aussi parce que son monteur l'engueule. Et donc, il ne veut pas, voilà, parce qu'on leur a expliqué des choses. Et je pense qu'en animation, est-ce qu'on n'est pas. Quand on est doué, hein. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas. Est-ce que les écoles ne sont pas de plus en plus derrière des règles? Et est-ce qu'on n'apprend pas des règles? Est-ce qu'on formate pas de plus en plus le cinéma d'animation? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous ressentez? Oui, mais une bonne école devrait apprendre les deux. C'est-à-dire apprendre les règles et à s'affranchir des règles. Mais il y en a peu qui font ça. Non, il y en a peu qui font ça, mais c'est pas simple. Mais si tu apprends pas effectivement les règles, elles vont te permettre de travailler avec d'autres gens dans une certaine logique. Donc il faut quand même que tu maîtrises ça. Mais il faut aussi que tu aies la possibilité de t'affranchir des règles parfois qu'on t'a apprises pour aller vers autre chose. Et effectivement, c'est comme je dis, il y a des écoles qui sont plus ou moins moulantes. Hein. Mais dans certaines écoles, on t'apprend ça aussi. Enfin, Franck, tu voulais réagir ? Je suis pas la bonne personne pour parler des études, des écoles d'art, puisque j'en ai pas. J'ai juste fréquenté de manière assez éphémère les Beaux-Arts où je m'incrustais quand j'étais jeune, pour des cours de nu, des trucs comme ça. Mais je pense que il y a. L'école d'art la plus honnête, alors je vais dire un contresens absolu, c'est les écoles étrangement qui forment les gens à la profession et techniquement. Et je pense que transgresser les règles, ça ne s'apprend pas. Transgresser les règles, c'est quelque chose que tu vas faire... Mentalement, si, ça s'apprend. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Ça veut dire que tu peux être sensibilisé à beaucoup de choses. Je pense que le fait de parler, par exemple, dans des écoles d'animation du cinéma, de... je ne sais pas, de Murnau, jusqu'à Kubrick, en passant par... j'en sais rien. Mais parler du cinéma live action, comme on dit, c'est fondamental. Parce qu'il faut que les jeunes comprennent que le cinéma d'animation, c'est du cinéma. Voilà. Alors, ça n'est pas que du cinéma. Ça, c'est très, très compliqué. C'est qu'après, on dérive vers les arts plastiques, vers... Oui. Non, pardon, si je me permets de dire ça, j'ai peut-être précisé la chose, Lucie, évidemment, et tout le monde peut y revenir. C'est que moi, encore une fois, les films d'étudiants, c'est quelque chose que je regarde énormément, c'est quelque chose qui me passionne et vraiment qui me fascine. Et pendant des années, j'étais vraiment surpris énormément par des films d'étudiants qui, des fois, étaient très mal faits, entre guillemets, mais avaient une énergie, avaient une force que je trouvais étonnante et qu'aujourd'hui, tous les films sont très bien faits. J'ai vraiment peu de films qui sont mal bricolé, etc. J'ai que des films qui sont moins immépates. Enfin, et d'ailleurs, les étudiants eux-mêmes qui viennent de sortir il y a un ou deux ans, regardant les films d'étudiants là qui sortent aujourd'hui, se disent oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ou même il y a 3-4 ans, on faisait pas ce qu'ils font déjà là. Et je le vois dans toutes les écoles où je suis, c'est impressionnant chaque année le niveau qui est de plus en plus haut. La Poudrière prend quasiment plus de gens qui viennent pas de l'animation parce qu'ils sont tellement de gens talentueux qui viennent déjà de l'animation. L'ENSAD, pareil, alors qu'avant, ils faisaient aussi plus d'efforts. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des... Je suis désolé de dire le terme, on a des produits qui sont souvent avec quelqu'un de grand talent derrière, mais j'ai pas l'impression qu'on... réinventer le cinéma est toujours un peu... Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on tente quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a moins de tentatives qu'à une époque. Lucie, si tu veux parler, après, il faut te prendre le micro. Non, c'est juste... certes, peut-être que les étudiants tentent moins de choses. Moi, je ne m'y connais pas très bien donc dans le film étudiant, mais je pense que la bonne chose, c'est que les étudiants, et je pense que c'est notamment grâce à internet, au blog, etc., ont un meilleur niveau, et du coup ils améliorent aussi le niveau peut-être professionnel, et qu'il y a quand même pour moi il y a un côté positif, sauf qu'ils améliorent le côté technique et pas toujours le côté ou du scénario ou de la réalisation ou de la forme. C'est-à-dire que techniquement, ils sont très bons. Si, ils apprennent tout ça aussi. Ouais. Moi, je suis persuadé que les étudiants sont de mieux en mieux formés. Ils ont plein d'outils. On les questionne aussi sur la narration, on les questionne aussi sur la réalisation. Tous ces aspects-là sont bien présents. Après, est-ce qu'effectivement, on leur donne la possibilité de s'affranchir de l'animation parfaite, du fait d'esquisser parfois des décors, enfin une certaine liberté, et ça c'est plus compliqué. On a bien vu dans certaines écoles récemment, il y a eu des histoires autour des films de fin d'études des Gobelins par exemple, parce que c'était pas comme ça, que ça donnait pas une bonne image des Gobelins quelque part, parce que c'était pas les films finis comme on voulait. Et ça veut pas dire que les étudiants techniquement étaient moins bons que les précédents, c'est qu'ils avaient fait d'autres choix. Bon, quand Serge Elissal fait un rallye, un film en 5 jours avec des étudiants, c'est justement pour ça. C'est pour les pousser à faire des trucs qui... Sauf que c'est autre chose qui prime. Sauf voilà. Qu'ils ont ça, ça comme... Ça veut pas dire qu'ils ont pas les outils, eux, pour faire une super animation, des décors super beaux et tout ça. Valentine ? Après, je pense qu'aussi, quand tu disais transgresser les règles, je pense qu'au sein même de l'école, on n'est pas forcément moulé, je pense qu'au sein même de l'école, déjà, avant d'en sortir, tu peux avoir ta propre personnalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent déjà avec une personnalité, et je pense que même si on te donne beaucoup de règles, je pense que ta personnalité prime au-delà de ça. Tu peux dépasser les règles et faire avec les règles qu'on te donne, tu peux faire d'autres choses. Enfin, je pense que ça donne d'autres possibilités en fait d'entrer. À condition que tu te donnes le droit de le faire. Et on voit parfois des étudiants qui ne se donnent pas le droit de le faire. Mais même beaucoup, je trouve, de plus en plus, à cause de l'angoisse de pas trouver de boulot. Parce qu'en effet, techniquement, ça devient tellement de plus en plus haut que je pense qu'aujourd'hui, moi en tout cas, c'est ce que je vois, les étudiants, des fois, se briment dans un projet qu'ils ont envie de faire, en disant non, je veux faire quelque chose qui me permettra plus sûr de trouver du boulot en sortant. Et ce que je peux comprendre, quand des fois les écoles sont très chères en anime. C'est plus que compréhensible, oui. Et c'est largement compréhensible. C'est une angoisse qui est partagée malheureusement par la plupart d'entre nous. Mais finalement, donc, on a cette problématique, je trouve, de. Alors oui, il y en a des écoles. Mais je trouve qu'elles. Elle formate énormément. Bon, en tout cas, oui, mais ça formate aussi, moi, ce qui... Alors, bon, ça peut formater techniquement dans des narrations sur des... dans un genre très Pixar, Disney, ce qu'on appelle commercial, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, moi, je suis désolé, mais je suis pas profondément bouleversé par les cuvées des écoles qu'on dit plus exigeantes, ou en tout cas plus... non, je trouve qu'il y a un formatage consternant, arty, chiant, qui n'invente rien, qui est dans la répétition permanente, et quelque part ça me rassure. Je me dis que ça a toujours été comme ça. C'est pas l'école qui va te donner du talent ou de la créativité. Donc en fait, ça va te donner sans doute une assise, et je pense que aussi très important, c'est peut-être ce que tu voulais dire Olivier tout à l'heure, une ouverture. Une école, c'est intéressant quand on ouvre un petit peu les portes. Alors, je parle de ce que je ne connais pas, bien évidemment, mais c'est en tout cas les études que je fantasme. Et que je fantasme, en l'occurrence, pour mon fils, qui, lui, je pense à ça, puisqu'il se destine aussi à ces métiers-là et qui rentre là, dans une préparation de cinéma et de théâtre. Donc, c'est vrai que, de manière idéale, on peut s'attendre à ce que l'école, à ce que ces études-là, en tout cas, il y ait une formation solide, technique, parce que le cinéma, c'est de la technique, et une ouverture aux arts, aux choses. Et puis après, démerde-toi. Donc, il faut un mélange. C'est, par exemple, il y a une jeune étudiante là, qui a fait Aplasie de la M4, très, très, très beau film. Je sais que tu as aimé, que j'avais mis sur The Web Anime, l'homme qui mangeait les seringues avec le truc, avec tout absolument. Ça. Et, oui, j'ai adoré ça. Et qu'il va passer donc en année au Gobelin. Oui. Donc d'un seul coup, ça peut surprendre par rapport à un film qui, moi, je trouve est très bien réalisé. Pas surprendre, mais en tout cas, voilà, elle va aller. Donc en fait, c'est ça. Aujourd'hui, avec un peu de chance, on va mélanger tout. Il y a des gens qui vont aller au Gobelin. Valentine, elle arrête l'école. Elle va passer sur autre chose. Il y en a qui vont faire Marine Blin, 7 ans d'école, voilà, etc. Oui. Il y en a qui vont changer, qui vont aller au Gobelin, qui vont aller à l'ENSAD, pourquoi pas. Enfin, mais moi, etc. Je trouve ça très bien. Ouais, je veux c'est dire, ça qui est important. Moi, j'adore les mélanges. Je suis désolé, mais j'adore le métissage. Je trouve que c'est ce qui est de plus riche, de plus. Et quand des gens travaillent ensemble, qui un a fait les Gobelins, l'autre a fait machin. Je trouve que malheureusement, on est encore c'est trop clivé tout ça. Hein, et même au niveau mondial, je me permets de parler un peu de l'étranger aussi. Il y a aussi des chapelles, je veux dire, des chapelles arty, des chapelles ultra commerciales, et c'est un peu pénible, quoi. Autant mélanger tout ça, parce que c'est ce qui fait aussi la richesse. Et une fois de plus, l'école ne vous donne pas du talent. C'est pas l'école qui vous donne du talent. Olivier, est-ce qu'il n'y a pas quand même une... Alors, on a compris, c'est plutôt intéressant le métissage, etc. Est-ce que par contre, on n'a pas une inquiétude par rapport au nombre d'élèves qui aujourd'hui sortent des écoles, qui est quand même assez phénoménal? Vers où ils vont aller, je dis souvent, c'est un peu dommage. Alors, je vais revenir à ce que disait Lucie. Souvent, on les pousse un petit peu. Maintenant, évidemment, c'est tellement beau le court métrage qu'on pousse beaucoup de gens à faire du court métrage. Alors, je trouverais intéressant de pouvoir les faire aller vers peut-être de la série un peu plus intéressante que ce qu'on peut voir aujourd'hui et peut-être d'avoir Il y a du transmédia aussi. Voilà, du transmédia. On l'oublie trop rapidement, ce genre de transmédia. Non, mais les jeunes qui sortent des écoles, ils trouvent du boulot. Le problème, c'est que. Au bout d'un certain nombre d'années, ils disparaissent, quoi. Ah, c'est-à-dire que la moyenne d'âge dans le milieu de l'animation est très, très, très, très basse, parce que ça tourne énormément. Et forcément, quand on prend quelqu'un qui sort de l'école, on ne paye pas cher, il a beaucoup de compétences, etc. Donc après, passer 35 ans, 40 ans, c'est fini, hein. Donc le problème auquel on est confronté, c'est ça. Donc c'est pas la jeunesse, c'est plutôt que parce qu'après les capacités de production en France, elle est limitée, ou alors faut aller ailleurs. Mais aussi bien au niveau des courts-métrages qu'au niveau des séries. Les séries, je vous rappelle quand même, c'est les chaînes de télé qui décident des séries, hein, c'est pas les producteurs. Donc on est aussi, et puis c'est en fonction aussi de ce qu'elles ont capacité de diffuser. Donc c'est limité aussi. Enfin, il y a un moment effectivement, on pourra plus. Et il y a plein de projets super et tout qui sortent en matière de série ou en matière de court-métrage, mais il y en a parmi eux, il y en a plein qui se font pas forcément parce que c'est plus possible. Donc je serais quand même assez embêtant que les gens aient 10 ans de carrière dans l'animation et qu'après qu'est-ce qu'ils font, quoi. C'est un peu le risque aujourd'hui. Est-ce qu'on réfléchit aussi que d'une seule manière, et on pourrait reprendre la phrase de Ford que tu citais récemment, c'est bien John Ford, hein, je dis pas de bêtises, sur Facebook récemment. Je l'ai pas noté, mais qui est un peu comme écrivons d'abord les histoires et voyons ensuite le format qui leur convient. Le format qui leur convient. Donc c'est dans les cahiers du cinéma. J'ai trouvé cette phrase dans un bouquin et la référence c'est les cahiers du cinéma dans une interview de 1958. Donc je trouve ça assez intéressant que Ford dise ça. Est-ce qu'on n'a pas ce problème-là de vouloir caser les gens, disant c'est arty, donc t'es un peu dans le cours, soi-disant, tu vas faire du grand public, t'es dans la série, ah, toi tu vas plutôt aller vers le long métrage et que finalement, Franck ? Les artistes le font eux-mêmes, avant tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que les gens, d'emblée, se mettent dans ces catégories-là, se catégorisent eux-mêmes. Et moi, c'est ce qui m'ennuie le plus, ce qui m'agace le plus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas victimes comme ça de gens qui vont les trier, leur dire « toi, tu vas là, toi, tu vas là ». Pas du tout, ils le font eux-mêmes, je veux dire, de manière très conformiste, quelque part. Et c'est-à-dire que moi, j'aime bien les gens, une fois de plus, qui ont tendance à aller vers les autres, à se mélanger, à essayer des choses, etc. Mais pour revenir à la phrase de Ford, moi, je pense que c'est une ouverture... surtout avec le transmédia, avec l'avènement du transmédia. On est tous les uns les autres. Regardez encore tout à l'heure dans le métro. On n'en est pas encore au stade de Tokyo, où on rentre dans un ascenseur. Les gens, ils sont avec leur iPad dans l'ascenseur. On se voit pas. Mais c'est presque ça, quand même. Donc, on est tous les uns les autres, sur nos tablettes, nos téléphones, nos machins, et on n'est toujours pas capable d'avoir inventé, si ce n'est qu'un nouveau format, pour adapter... Il faut bien les remplir, ces tuyaux. On surmultiplie les tuyaux, donc moi, je ne suis pas très inquiet sur le nombre d'étudiants qui peuvent sortir des écoles, parce que du boulot, il va y en avoir de plus en plus, en fait. Sur la qualité ? Bah, il faut être exigeant, il faut trouver surtout, il faut être un petit peu inventif, il faut trouver des solutions. Quand Ford dit... C'est-à-dire qu'on a des formes nouvelles, effectivement, qui apparaissent, genre livres numériques, web-séries, etc. Mais souvent, c'est dans des toutes petites économies, donc c'est pas, moi je viens de faire un truc avec Le Seuil justement sur un livre numérique, c'est pas une petite économie. Le livre numérique peut-être un peu davantage, encore que, bon... Jusqu'à un certain point. Non, mais il y a beaucoup de choses qui se créent, des nouvelles pistes comme ça. Mais pour l'instant, c'est quand même économiquement très, très fragile. Ah oui. Non, mais ça, c'est certain. Rémi, toi, alors, c'est pas de l'anime. Fait plus ou moins une web-série. Je sais pas si on peut appeler ça une web-série. Oui, en fait, on voulait juste le diffuser sur Internet et on avait peur que les gens regardent pas les 20 minutes de film, donc on l'a découpé. Mais au final, les gens nous ont dit, vous auriez dû le poster en 20 minutes. On voulait pas attendre la semaine suivante pour voir le... Non, mais c'est intéressant, ça. Voilà. C'est l'exemple type de choses que je trouve intéressantes. Alors, on peut crier au sacrilège, etc. Mais pourquoi ne pas s'adapter sur certains projets au réflexe qu'a le public, et je m'inclus en premier dans le public, à savoir cette espèce de délire de zapper en permanence dont je suis atteint quand je suis sur le net. Dans ces cas-là, comment accrocher, comment se dire que sur les 10 personnes qui vont regarder le premier épisode, il y en a 3 qui vont s'intéresser au reste, et puis voilà, enfin essayer de rentrer, enfin de chercher en tout cas. Ouais. Est-ce que Rémi avait une volonté de liberté de ton aussi, c'est-à-dire se dire oh, tiens on le fait, je le fais avec un ami, je le mets sur internet, on se casse pas la tête, c'est comme le Super 8 à une époque, etc. On a pris ma voiture, on s'est barré dans un village fantôme dans le sud, et puis on s'est amusé pendant 3 jours avec une caméra. Voilà, et donc il y avait l'idée de se dire c'est pas grave, c'est pas pro. Ouais, c'était aussi pour prendre des vacances. Et d'en profiter pour faire. Ouais. Donc, non, mais c'est intéressant parce que finalement, on dit toujours qu'il n'y a pas d'économie. Je pense que ça peut être intéressant aussi de se lancer là-dedans. Et d'en trouver une. De faire des plaisirs, voilà. Et tout à fait ça. Et de créer finalement aussi la forme économique de demain. Toi, Valentine, quand tu réfléchis à un projet, quand on a des projets, tu te dis forcément c'est un cours. Tu peux te dire, tiens, c'est une série, ou tu réfléchis même pas à ça, forcément. Je sais pas, quand t'as un. Non, moi, j'arrive pas à réfléchir en termes de format. Après, comme j'ai jamais vraiment fait de film professionnel, ou même, enfin, je commence juste, je peux pas savoir, enfin, je sais pas, on peut savoir, mais j'ai pas envie d'y réfléchir tout de suite au format, enfin, j'ai peur que ça me bloque. Non, je te pose la question, parce que t'as fait, même si c'est des petites pochettes, t'as fait aussi bien un petit clip pour une amie, pour un anniversaire, t'as fait une bande-annonce à un moment donné, t'as fait des choses qui étaient un peu différentes, t'as eu ton projet de fin d'études, etc., et donc il y a des formats là qui se retrouvent différents, et donc il y a une obligation de réfléchir quand même différemment, je suppose. Pour chacun de ces formats, non, pas forcément. Bah, ça dépend sur quoi tu te bases aussi. Tu peux te baser sur le son. T'as une bande son qui fait autant de temps. Enfin, tu te bases sur ça, ou enfin, ça peut être. Je sais pas. Pour moi, c'est plus. Enfin, je me base toujours par rapport à quelque chose. Je le fais pas sans rien au début, donc je sais pas. Je me suis toujours basée comme ça sur une. Ce qui m'épate à chaque fois qu'on a ces discussions autour de la table, et à chaque fois je trouve ça intéressant, c'est que je me rends compte quand même qu'on a... C'est évident, hein, là j'enfonce une porte qui est tellement ouverte que... C'est qu'en fait c'est pas tellement... Alors même si les créateurs des fois même se bloquent, mais c'est souvent un problème de financement, c'est un problème de diffusion par la suite. Et finalement on devrait peut-être pas forcément l'avoir, si... Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois de me dire... On est dans une... Si, par la force des choses, rien n'est jamais acquis. Ou alors, ça devient un cinéma d'État. je sais pas, que l'État aide le cinéma, c'est fondamental. Après, il peut pas être totalement. Il y a toujours moyen de faire des trucs, en tout cas. De toute façon, il y a toujours on peut toujours faire un long métrage. Fauché. À deux, à trois, une série, etc. Après, on diffusera comme on pourra le diffuser, mais on peut toujours faire. On peut faire un court métrage sans argent aussi. Enfin, c'est. Voilà. Après, effectivement, si on veut être diffusé. Dans les salles, le long métrage, on va. Mais après, il y a Valentine. Oui. Non, après, il y a aussi Internet qui peut changer les formats. Si on veut être diffusé autrement, enfin, si on veut faire d'autres formats, je pense qu'on peut être diffusé autrement avec Internet. On peut créer une sorte de communication juste par l'Internet. Enfin, c'est vrai, mais faut accepter de rentrer dans une petite économie à ce moment-là. Voilà. Pour l'instant, on va faire une petite pause avec Marca, chanteur belge qui chante. C'est parfait, je ne pouvais pas faire une meilleure intro à cette chanson. Nos amis les riches. Nos amis les riches. Pour Franck. Faut les voir jouer avec les petits enfants. Nos amis les riches ne sont pas tous gros. Faut les voir à cheval ou alors en bateau. En bateau. Nos amis les riches ont quelques soucis. Heureusement qu'ils portent des souliers vernis. Nos amis les riches sont fort malheureux. Quand il voit les pauvres qui se moquent d'eux. Eh oui, il n'aime pas ça. Un jour je serai riche comme ça. Pour que les pauvres se moquent de moi. Un jour je serai riche comme ça. Pour que les pauvres se moquent de moi. Mais pauvres de moi. Nos amis les riches pensent aux affamés, mais après le repas pour ne pas le gâcher. Nos amis les riches ne sont pas égoïstes, la plupart d'entre eux savent que les pauvres existent. Eh oui, les pauvres existent. Un jour je serai riche comme ça, pour que les pauvres se moquent de moi. Un jour je serai riche comme ça, pour que les pauvres se moquent de moi. Mais pauvres de moi. Y'a rien de plus vulgaire que d'acheter pas cher, c'est comme ça. La richesse est pauvre comme Job, ça n'impressionne que les snobs, mais pas moi. Pauvres de moi, nos amis les riches. Pauvres de moi. Nos amis les riches, pauvres de moi. Nos amis les riches, pauvres de moi. Nos amis les riches. Vous avez failli avoir un éternuement en plein direct, ça aurait été très classe. C'est bien sûr Bulle de Rêve, Radio Libertaire, forcément, avec Franck Dion, Olivier Catrin, Lucie Mérigeot, Valentine, Rémi, Alexis, tous pour parler de qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation aujourd'hui. Ouais, vaste débat. Vous saviez pas que c'était ça, en fait, à la base. Je vous ai piégé. On parlait d'Internet. Je trouvais intéressant ce que tu disais, Franck, quand tu disais, pour l'instant, il est évident qu'Internet, demain, on passera des séries de plus en plus de chaînes de télé s'y mettent, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus une économie évidemment qui va arriver sur le net. Elle est évidente. Enfin, quand on dit demain, elle est vraiment là pour demain, quoi. Ça sera pas dans 3 ans, c'est après-demain, Franck. Elle existe déjà aux États-Unis, hein, où les studios commencent à flipper parce que sur la série notamment, il y a des précédents. de séries qui rapportent beaucoup d'argent et qui ne passent que par Internet en termes de financement. Et de... Donc là, c'est... moi, je trouve ça très intéressant et je suis très optimiste. Enfin, oui, très optimiste dans la mesure où ça raconte qu'on peut peut-être avoir accès à un réseau de distribution qui est peut-être, je dis bien, peut-être plus démocratique que ce qu'il n'est en ce moment. C'est, je mets des réserves à tout ça parce qu'on sait que les gens, dès qu'il y a du pognon, ils sont capables de verrouiller tout ça et de faire en sorte de rendre les choses très très compliquées pour les petits et très faciles, bien évidemment, pour les gros. Mais ça reste quand même très intéressant, je trouve, comme précédent. On a quelque chose de passionnant, par exemple, qu'est Vimeo, hein, mettre son film sur Vimeo. On a évidemment, de suite, il faut qu'il y ait le Vimeo Staff Pick. C'est-à-dire que malheureusement, même si je comprends les auteurs aussi d'avoir le Vimeo Staff Pick, ça veut dire déjà beaucoup de vues. Mais ça veut dire qu'il y a la recherche de ce label, finalement. Alors que j'aime bien l'idée, en effet, de mettre son film. Et puis, ben, on crée une page Facebook comme Rémi. On va balancer un petit peu partout sur Internet le plus possible en espérant qu'on soit relayé. J'aime bien cette idée-là. Il faut quand même que... voilà, il y a toujours cette échelle qui veut pas dire grand chose en plus. Les Mustaf Pick, je crois qu'ils sont 4 ou 5, je sais pas combien. Et il y en a qui choisit un moment donné. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Je crois qu'ils sont 5 ou 6. Ouais. C'est ça, ouais. Donc, c'est comme les prix dans les festivals. Je veux dire, par là, on ne peut pas s'empêcher de remettre les honneurs et les trompettes et des médailles en chocolat. Je veux dire, de faire des distinctions entre des films. Je veux dire, on a besoin, voilà, c'est comme ça. L'être humain a besoin de distinguer les choses, de se distinguer. On le voit avec le sport, l'engouement pour le football, ouais, qui est un sport éminemment compétitif. Voilà. C'est la nature humaine, je veux dire. Après, fondamentalement, on peut trouver ça ridicule. Moi, fondamentalement, je trouve ça ridicule. On ne peut pas mettre en compétition deux films, puisqu'ils ne racontent pas la même chose, ils ne font pas la même chose, c'est pas la... Bon, mais après, je me replace, et de manière, là, j'espère, le plus honnête possible, intellectuellement. Moi, j'adore avoir des prix. J'adore quand les copains ont des prix. Voilà. Parce que ça nous permet une grande visibilité. C'est pas pour se la raconter ou se faire une grosse tête. C'est pour être remarqué et aussi financièrement vivre mieux. Et ça, c'est pas mal. Olivier, Internet, c'est quelque chose qui, toi, te paraît intéressant. Pour l'instant, c'est super loin. Pour l'instant, c'est pas... Ben non, on peut pas être super loin d'Internet. Enfin, pas quand on fait des films. En tout cas, ça paraît quand même compliqué. Non, ça, effectivement, c'est un truc mouvant. On a l'impression que ça bouge très vite, mais ça, c'est pas encore... ça sera jamais stabilisé, d'ailleurs. Ça va, on sait pas très bien quoi. Alors, effectivement, Franck a des intuitions par rapport à ça que je partage, mais ça évolue tellement vite, ça peut évoluer dans tellement de sens. Effectivement, à un moment, ça peut être verrouillé. On a vu déjà sur certains plans, Internet, ça peut devenir très, très compliqué. Donc, déjà, c'est une petite diffusion qui est accessible à tous. Déjà, ça, c'est quand même formidable. Effectivement, on peut mettre son film sur Vimeo. Il y a 20 ans, il fallait qu'on ait un festival pour voir un film aujourd'hui. C'est plus voilà, facile. Donc on peut avoir accès à tout. Ça, déjà, c'est formidable. Après, le problème d'Internet, c'est que, justement, il y a tout. Et que donc, comment on retrouve les choses là-dedans? D'où peut-être effectivement une politique de distinction des films ou de pointage. Alors effectivement, il y a des réseaux sociaux qui permettent ça, mais il y a tout le problème aussi de. Enfin là, on dépasse le cadre du film, du cinéma, mais Internet, on s'y perd. Il faut qu'on apprenne. C'est un outil qu'on doit apprendre à utiliser. Quoi. On n'est pas préparé à ça, nous. Nous les vieux, on se débrouille, mais c'est un truc qui est tellement énorme que je sais pas du tout ce que ça va devenir, mais ça va sûrement prendre encore beaucoup plus de place. Et déjà pour l'instant. Pardon, mais plutôt que d'avoir par exemple, et c'est très bien, il y a pas mal de sites sur Facebook, il y a pas mal de choses qui partagent sans vraiment de commentaires. C'est tiens, on partage un peu tout et n'importe quoi. Et que finalement, tu choisis quoi ? Moi, j'ai un temps limité, par exemple. Alors, je me dis, je regarde pas. Est-ce que j'ai... Oui, mais justement, je peux passer mes journées à regarder des films sur Internet. Possible. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est que on a des réseaux qui sont des réseaux qui mettent encore une fois tout et n'importe quoi, où les seuls commentaires sont waouh, trop top, oh, ça déchire. En gros, je vous fais les trois plus importants. Et qu'en fait, on a besoin d'avoir quand même un peu, je sais pas, des... Une ligne éditoriale, ça voilà. Je pense que ce qui manque le plus, moi, ce qui me fascine, j'ai plus la télé depuis très longtemps, et pourtant, j'ai le besoin de regarder... Alors, je regarde Arte, hein, je suis désolé, je raconte pas de conneries, c'est vrai. Je suis l'auditeur Arte. Et Arte me fascine parce que même s'il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément, il y a une ligne éditoriale. Et je me rends compte que j'aime bien les lignes éditoriales. Et c'est ce qui me manque beaucoup depuis que j'achète plus la presse. Et c'est vrai que c'est le grand vide sidéral d'Internet. C'est que, à moins d'être abonné à des blogs, à des choses où là, il y a de fait des lignes éditoriales, mais c'est vrai que dans toute cette masse d'informations, et comme tu dis, Alexis, je partage, et les seuls commentaires qu'on trouve, c'est top, lol, machin, truc chouette, ce qui fait un peu lège en termes de... Bah, ce qui me manque, c'est la ligne éditoriale. Ça veut dire, c'est le point de vue de quelqu'un, son point de vue à lui, hein. Qui va proposer, non pas imposer, mais qui va proposer, voilà, et dans lequel on va se reconnaître et qui va nous faire découvrir des choses. Et donc finalement, les sites en France, Foodanim ou Cartoon Brew, par exemple, même si je pense que Cartoon Brew est plutôt très très bien suivi, hein, je connais pas leur. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins suivis que des sites qui proposent quasiment uniquement des films, c'est-à-dire qui sont des robinets à films et qui vont juste mettre film extraordinaire, comme Vimeo, mais même vraiment ces chaînes qui. Sur Vimeo, de l'animation, je sais pas, Animated Review, je sais pas quoi, enfin, etc. Et qui finalement font un travail assez limité qu'on ne comprend pas des fois, parce que c'est vrai que si on regarde les chaînes, on se dit, alors c'est normal, hein, je veux dire, moi-même sur mon site, je peux mettre des choses qui peuvent paraître vraiment très, très éloignées les uns des autres. Enfin, non, parce que t'as une ligne éditoriale. Mais voilà, donc c'est ça qui est. On sait que t'es un peu fada en plus, donc on peut trouver des choses totalement hétéroclites et iconoclastes, mais ça c'est dû à ta personnalité un peu dérangée, mais. Je te remercie. Mais on sait à qui on a affaire. On sait à qui on a affaire. On s'intéresse. Voilà, tiens, il est parti dans un délire. En général, je regarde, moi, effectivement. Il ne va pas bien en ce moment. Regarde, on va arrêter, donc c'est gentil. Non, mais je trouve, c'est vrai que c'est quelque chose, par rapport à The Webin, qui me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire vraiment se dire, tiens, d'un seul coup, se rendre compte qu'en effet, des sites qui, finalement, font moins d'efforts, entre guillemets, éditoriaux, moi, souvent, on me le dit quand je partage une vidéo, on me dit, oh, bah, c'est bien, ça a un petit peu évolué sur Vimeo, mais t'aurais dû voir quand on l'a mis sur Animated, je sais pas quoi, ou etc. D'un seul coup, ça a fait, et quand je regarde ce que c'est, en fait, c'était juste un partage de films. C'est-à-dire, c'est rien de plus, il n'y a pas de. C'est le côté obscur du zapping qu'impose parfois Internet. Ça veut dire que c'est la facilité déconcertante du partage, et puis voilà, et puis c'est une feignantise intellectuelle, voilà. C'est aussi la raison pour laquelle ça marche comme les vidéos de chat ou les vidéos de chute ou les c'est des non mais moi j'aime bien les vidéos de chat, les vidéos de chute, non pas de chute, pas trop, mais les vidéos de chat, j'adore les vidéos de russes qui bourrés qui tapent sur la gueule par exemple, mais bon, la finalité de ça c'est quoi, je veux dire, c'est il y a une espèce de fainéantise comme ça intellectuelle, mais qu'on la découvre pas avec Internet, la télévision l'a inventé ça avec le zapping, hein, donc Dans ce mélange de tout, hein, de tout, les longs métrages, Lucie, est-ce que aujourd'hui, je peux dire Lucie, tu peux me dire, j'ai rien à dire, j'ai pas envie de parler, hein, bien évidemment, on l'a dit. Il y a je sais pas si c'est une fuite en avant, mais je pense au contraire, d'ailleurs, on pourra en parler, les réalisateurs, je les comprends, au bout d'un moment donné, veulent faire du long métrage, on parle plus de long métrage que de court métrage. Et à la fois, on ne reparlera pas, mais on sait bien à quel point c'est compliqué de faire un long métrage. C'est ardu. On se confronte à des choses auxquelles on n'imaginait pas. Il n'est pas obligé de répondre. S'il veut, il en parlera. Mais s'il. Non, il peut en parler. Il peut en parler. Voilà. On va d'abord laisser parler lui. Mais il va parler. Voilà, on va laisser parler. C'est évident. Tu as fait ta thèse, je sais plus comment s'appelait ça, en fait, ton gros truc sur Pixar. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat dans pour la suprématie au niveau du long métrage qu'il n'y avait pas avant. Avant, on le sait bien, Disney était numéro un. Et on l'a bien vu récemment avec cette chose complètement folle avec. Incroyable, le cartel. Ed Catmull, voilà, de Pixar qui. Je sais pas si vous avez entendu brisé. Ça. Ben, j'en doute bien, Ed Catmull qui était le grand Pixar, c'est vraiment le monsieur. Tout le monde pensait qu'il était blanc et en fait, on sait. Enfin, blanc. Dans tout le côté noir et blanc, hein, c'est pas une très belle expression, mais on pensait. Tu veux dire que c'était un noir? Merci Franck, n'appelez pas, il plaisante. non, c'est. Une sorte de trust et en fait, ils ont fait un trust, voilà, Pixar. Avec Disney, en fait, pour baisser, en fait, pour avoir le niveau de salaire des animateurs au même, même niveau, en fait, pour pas que ça augmente. Voilà, pour pas. Donc, enfin, aujourd'hui, c'est, tout le monde faire du long métrage, et pourtant, c'est une idée absolument terrible, non? Alors, en fait, je vais te demander de reformuler ta question. C'est le problème des... John Lasseter a changé. Tout à fait. John Lasseter était quelqu'un qui faisait du cours, qui aimait l'animation. Aujourd'hui, c'est devenu un businessman. Oui, mais alors lui, est-ce qu'il est exemplaire de tout le reste ? Effectivement. Aujourd'hui, c'est le numéro 1. Il pourrait faire du long métrage. Je dis souvent et on oui, l'a confirmé. Oui, il a tué la 2D à Disney. Oui, des longs métrages. Non. Je parle même. J'ai dit quelque chose à un moment donné. J'ai fait un article et quelqu'un de chez Pixar m'a répondu en me disant que, en effet, qui avait lu l'article et qui m'a dit oui, on pourrait très bien aujourd'hui avoir une vingtaine de nous, de gens qui travaillent à Pixar pour faire un long métrage pour adultes. Ça coûterait pas très cher. On nous met dans un coin. On nous fait, et si Pixar demain fait un film pour adultes, sauf qu'on m'a dit non, parce que c'est tellement corporate qu'on a trop peur, et dans ce cas, il ne faudrait pas que ça s'appelle Pixar, il faudrait que ça s'appelle Poxure. Excusez-moi, j'ai trouvé que ça, c'est pas terrible. Je suis désolé. Eh oui, en direct, on fait des trucs nuls. Voilà, il me disait, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune innovation possible en long métrage. Je parle là dans les gros studios. Je ne sais pas s'il n'y a aucune innovation possible, je ne l'espère pas, mais effectivement, il y a depuis quelques années un nivellement. Alors, vers le bas peut-être, mais des films Disney, DreamWorks, Pixar, les films Pixar qui étaient très bons ne le sont plus vraiment. Je veux dire, Plane 2, mais même avant, hein, moi, Rebelle, c'est pas un film que j'ai trouvé très bon. Donc effectivement, il y a, pour des raisons économiques, ils veulent à tout prix, je pense, engranger, etc., de l'argent. DreamWorks, là, a viré une cinquantaine de personnes... Il y a 10 jours, soi-disant. Alors, voilà, après, c'est plus compliqué que ça, mais... Mais oui, c'est un nid de guêpe là, mais c'est une question, je pense, qui est surtout liée à l'économie. Et par ailleurs, il y a quand même des studios qui tirent leur épingle du jeu. On va un peu plus haut que la Californie, là, dans l'Oregon, il y a Laika qui fait du long métrage qui me. Enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup, ils en ont pas sorti des masses. Hein. J'attends. Box Trolls avec impatience, mais pour moi, Coraline, c'était vraiment l'un des meilleurs longs métrages d'animation de la décennie. Et puis. Et ils ont fait Paranorman qui avait plus de failles, mais qui était aussi des propositions intéressantes. Plimpton. Alors pour le coup, je parle plus du tout des gros studios, mais c'est plutôt rattaché à Internet. Mais essaye quand même encore de vivre et de faire ses films. Et là, pour le coup, il a été bien inspiré. Il a lancé sa campagne Kickstarter, c'était en fin 2012, je crois, pour financer la fin de Cheat-In. Formidable. Donc, effectivement, au niveau des gros studios, il y a une espèce de peut-être panne d'inspiration. En fait, j'en sais rien. Mais c'est effectivement ce qui était intéressant il y a 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. On va laisser parler Olivier avant juste de revenir à Franck. Est-ce que toi, puisque tu coproduis plusieurs longs métrages, ce que je disais, finalement, ce nivellement par le bas, en tout cas, ce nivellement des longs métrages des grands studios permet justement, comme vient de le dire Lucie, à plein d'indépendants aux États-Unis, mais aussi en Europe, de finalement développer. Non, mais c'est intéressant justement de développer énormément de projets qui, eux, vont être beaucoup plus intéressants et beaucoup plus. Passionnant que ce qu'on voit outre-Atlantique. Oui, il y a deux choses différentes. En fait, la logique des studios aux États-Unis, c'est que on a des jeunes compagnies qui se créent, qui font des choses originales, etc. Puis qu'après ça rentre dans une autre logique, qui est une logique effectivement plus industrielle. Donc, et forcément, ils perdent de la créativité. C'est difficile de maintenir une créativité quand on est dans cette démarche-là. On parle plutôt de rentabilité, on parle plutôt des moyens qu'il faut mettre pour toucher un très large public, etc. Enfin, on n'est plus dans la même logique. Mais c'est pas grave, il y en a qui se tirent de ces studios qui vont en créer d'autres, etc. Bon, ça, c'est une espèce de cercle de vie, hein, quelque chose comme ça. Après, on n'est pas dans le même monde en Europe. C'est plutôt des gens à droite, à gauche, comme ça, qui produisent des films selon des logiques extrêmement diverses. On n'a pas de gros studios en Europe du tout en matière d'animation. Enfin, il y en a quelques sociétés qui produisent régulièrement du long métrage. C'est tout. Oui, c'est ça qu'on va voir Astérix ou Pourquoi j'ai mangé mon père. Enfin, ce genre de choses qui sont très gros budgets, mais ça, la gueule, c'est. En plus, en Europe, quand ils sont dans des super gros projets comme ça, qui ont des gros moyens, ça met 10 ans à se faire parce que c'est des. Donc, ils s'épuisent à ça. Donc, ouais, mais finalement, on a un panel assez large, ça rend possible pas mal de choses, et c'est la diversité qui peut être intéressante. On arrive à faire des trucs qui sortent quand même de l'ordinaire, de temps en temps. Pas énormément, mais on y arrive. Le film que tu produis, que tu coproduis Ce long métrage tchèque, par exemple, Petite de la Poissonnerie, c'est intéressant parce que c'est vraiment, il y a eu un grand trou en République tchèque, enfin dans tous les pays anciennement communistes en matière de production d'animation en général, et notamment de long métrage. Donc là, c'est un petit peu, voilà, on a un projet quand même assez ambitieux, même si c'est un tout petit budget au bout du compte, hein, qui est une coproduction internationale. Combien de budget, juste pour qu'on sache ? C'est moins de 2 millions. Ah oui. Ouais. Mais ça a été tourné de façon complètement artisanale dans un studio avec 3-4 personnes. Hein. C'est un long métrage fait un peu comme un court métrage quelque part. Hein. Mais néanmoins, c'est une coproduction internationale. C'est un film qui s'est ouvert à d'autres choses, qui utilise à la fois des techniques traditionnelles et en même temps des nouvelles technologies. Et ça a un effet d'entraînement par rapport à d'autres. À l'ensemble du pays, en fait. Donc, du coup, ça donne l'idée à d'autres producteurs que c'est possible, qu'on peut, on peut refaire du long métrage, pas simplement en images de synthèse, mais en utilisant aussi nos spécificités culturelles, choses comme ça. Quoi. Donc, toujours au niveau de la production, au niveau de l'économie, on se rend compte, là, il y a de nombreux pays qui font leur premier film, et c'est souvent, enfin, leur premier long métrage, en tout cas, beaucoup d'ex-pays soviétiques aussi. Le Kyrgyzstan, je crois, sort bientôt un film. Voilà, dont la bande-annonce vient d'arriver, etc. Ça veut dire que parce que on a une vue, on va dire pas internationale, mais quand même un peu plus, on peut être vu en festival, on peut peut-être sortir le film en salle. Les Chinois là, qui vont déverser un nombre de films incroyables. Hein. Le gouvernement a encore mis plus d'argent dans l'industrie chinoise et ils font des longs métrages dans les écoles directement, hein, pourquoi sortir des écoles. Ça veut dire, en effet, le long métrage permet ça, finalement, que l'animation explose encore plus qu'avant. Ça peut théoriquement permettre de toucher un public large et international, théoriquement, parce qu'il y a des tas de longs métrages qui ne sortent pas de leur pays, et notamment en Chine. La Chine est un bon exemple pour ça, en matière de production. Le nombre d'heures d'animation qui peut être produit en Chine, c'est impressionnant, mais on n'en voit pas grand-chose, quand même. Hein. Et au niveau de la création, c'est difficile de se confronter à un long métrage, Franck ? C'est un autre. Quand on vient du court métrage, c'est un autre métier. Enfin, c'est un autre métier. Oui, un peu, parce que on se rend compte de choses. Même si on les connaît, les vivre, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que c'est un système qui repose sur le bon vouloir essentiellement des distributeurs. S'il n'y a pas le distributeur, il n'y a pas de producteur. S'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de film. Hein. Donc, il y a quand même un gros, gros déficit aujourd'hui. Moi, je suis assez pessimiste sur la santé du long-métrage français en ce moment. C'est pas du tout gravé dans le marbre. Et, parce qu'on sait que des partenaires importants comme Canal+, se retirent du jeu sur la pointe des pieds, mais quand même se retirent du jeu, se désengagent. Mais quand on fait aussi les bêtises de programmation qu'ils ont commises, comment voulez-vous faire beaucoup d'audience quand vous mettez un film comme Ernest et Célestine, qui est un film que j'ai pas vu, mais enfin qu'a priori vraiment pour les enfants, quand vous le programmez à 10h du soir, comment est-ce que vous voulez faire plus d'audience que 2%? C'est pas possible. Donc là, il y a déjà une ineptie. Je suis persuadé que si ce film, qui est considéré comme étant excellent par beaucoup de personnes, et j'en doute pas un seul instant, s'il avait été mis à une heure de vraiment, aurait eu un très fort potentiel pour son public, qui est quand même un public d'enfants. En même temps, le principe de Canal+, c'est la multidiffusion à des heures différentes dans la journée. Donc, traiter un film jeune public différemment, peut-être, il devrait, hein, mais... Mais eux se réfugient derrière le fait que, ben voilà, c'est signe 2% de part d'audience, donc machin, ceci, cela. Donc si les gros se désengagent de la production de films d'animation, qui est déjà pas pléthorique, hein, c'est un peu ennuyeux. Et puis il y a une vision du film d'animation qui continue à être éternellement des films pour enfants, que ce soit de la part des producteurs ou des diffuseurs, surtout des diffuseurs d'ailleurs, pas des producteurs, mais des diffuseurs. C'est vraiment une image. Les films d'animation, c'est fait pour les enfants, donc c'est assez difficile de faire le cinéma qu'on a envie de faire. Voilà, c'est là où c'est dur quand on écrit, quand t'as une expérience, quand on réalise. Moi, j'ai passé presque un un an sur un long métrage, mais en tant que co-réalisateur, mais en tant que mercenaire, j'ai envie de dire, parce que c'était absolument pas mon visuel, absolument pas mon scénario, etc. C'était intéressant. Je me suis désengagé du projet parce que ça ne me convenait finalement pas du tout. Et je pense qu'il y avait une erreur de casting en ce qui me concerne. C'était enrichissant, mais voilà, de découvrir que tout de même, faut faire avancer les mentalités et c'est pas facile de faire du long métrage, voilà. Non, mais en plus, là, on parlait de Canal+, on peut s'inquiéter de la capacité de Canal+ à s'investir dans le cinéma comme il l'a fait jusqu'à là. Hein. Oui, le cinéma tout court. Hein. Oui. Déjà, en matière de court métrage, il y a un retrait qui est spectaculaire, on va dire. Et à mon avis, en long métrage, on risque d'avoir aussi les mêmes effets. Donc tout ça va avoir des conséquences. Oui, c'est une crainte, oui, tout à fait. Ouais. J'ai oublié, Rémi va nous faire vite sa petite. Oui. Bon, là, c'est les dernières infos. C'est les petites dernières infos. Ah, il y a une côté de la censure qui est passée. Ouais. Donc je passe très rapidement sur de la BD à la série d'animation. Finalement, ça sera du 8 au 12 septembre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de délistements. Cours d'école 1. C'est avec le cours T entre parenthèses. C'est l'association Céophane qui organise ça donc, pour une soirée de court-métrage le 28 octobre. Il faut envoyer vos films avant le 15 septembre. Donc, marie.céophane@free.fr. C'est des films d'étudiants faits par des écoles du Nord-Pas-de-Calais. Donc, s'il y a des gens ça réduit un peu, mais voilà, c'est sympa. Il faut que ça soit des films racistes. Postérieurs à 2008. Ouais, mais ils sont à Lille, Cellophane, etc. Ouais, c'est les ch'tis, ils sont racistes, hein, c'est connu. Ouais. Alors, le Lizard Pride Pictures, c'est une association qui organise un concours donc pour la fête d'animation du 17. C'est du 17 juillet, donc ça a commencé jusqu'au 17 octobre. Il faut que ça ait pour thème la surprise, l'inattendu, l'incongru, qui est un lézard et qui est un ananas. Oui, on peut faire un truc, j'imagine. J'imagine la tête d'Ilan quand il rendra ça. Et ça devra j'ai fait la même, Ilan. Durée maximum 5 minutes. Voilà. Vous pouvez aller sur Facebook, ils ont une page. Les sorties ciné, alors il n'y a rien de folichon. Si, il y a Turbo 2, pardon, Planes 2. Je ne sais pas plus pourquoi je l'ai confondu. C'est le là. Le 23 juillet, le 6 août, opération Casse-Noisette. Je ne sais pas si c'est bien, ça a l'air moche, affiche. La bande-annonce, c'est super moche aussi. Oui, passons, on va pas. Et le 27 août, je vais essayer. C'est 3 ans, je crois, passons, casse-noisette. Si, attends, moi, ça m'intéresse. Et le 27 août, quoi? Le 27 août, Buderie, l'étrange voyage, je m'étais gouré d'un agenda de juin, apparemment. Finalement, c'est ah, bah, bravo. Ça sort. Bah, bravo, c'est du sérieux. Ça a été reporté, des fois, c'est. Je sais pas, c'est des changements. C'est pas très professionnel. Enfin, je dis souvent, je cherche ça sur Allociné, les dates. Des fois, ça change. À mon avis, ils ont bien fait de le changer parce que malheureusement, Corrézi. Le film va bientôt disparaître. Malheureusement, Kaguya, quand la princesse Kaguya de Takata ne marche pas excessivement bien, il doit être à 150 000 entrées. Il va bientôt disparaître. On va voir à quel point Plains 2, évidemment, lui va faire 150 000 entrées en 3 séances. Allez-y. C'est pas si mal, 150 000 entrées, vu le film. Oui, mais c'est un film qu'ils ont mis beaucoup d'argent, Disney, je pense, derrière, etc. Il aurait pu faire un petit peu plus, quand même. Je trouve que c'est un peu dommage par rapport à. C'est bien pour. On ne sait pas qu'il ferait plus, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais. Non. Est-ce qu'il y a des sujets? Parce que là, je regarde ma petite feuille, la Chine, et puis je voulais mettre l'hymne chinois, je voulais faire réagir, les longs métrages, festival, on peut parler un petit peu de crowdfunding? Les trois ours se sont lancés dans le crowdfunding. Non. On s'est pas lancé dans le crowdfunding, on accompagne, on est producteur minoritaire dessus, c'est pas nous qui avons lancé cette. Alors là, je le savais, c'est pour ça que j'ai attendu la fin pour pas que. J'ai relayé, c'est une série sur laquelle, qui s'appelle Sacré Caractère, sur laquelle on est coproducteur minoritaire et le producteur principal a lancé un crowdfunding parce que c'est une série qui se fait avec Radio France comme diffuseur, donc c'est vraiment. Et Chiara Mastroianni, c'est ça, en fait, du mais il y a Chiara Mastroianni en voix, ouais. Et donc on a relayé en bon coproducteur cette campagne, mais c'est pas les trois ours qui font cette campagne. Pas de crowdfunding encore, donc. Non. C'est chez les trois ours. Je sais que toi, t'es pas très pour. le crowdfunding. Je suis absolument pour ce système à partir de l'instant où tu n'as rien d'autre. Oui, voilà. Je trouve ça très bien. C'est pas du tout. Oui, mais quand j'y pense, ce qui me pose un énorme problème, parce que je les vois venir et je connais exactement comment fonctionne ce genre de truc. C'est la crise. Moi, j'ai des tas de potes qui viennent du théâtre. C'est la misère, mais la plus totale. De la musique, j'en parle même pas. Le cinéma, mine de rien, c'est en train de commencer à diminuer tranquillement, mais sûrement. Et je vois tout à fait le truc débarquer quand les copains producteurs commencent à jouer dans cette cour-là. C'est la résonance que ça peut avoir avec les aides publiques. Les régions, le CNC... tout ce système-là qui vont nous dire ah ben attendez, c'est la crise, puis on a remarqué finalement que vous avez trouvé une économie intéressante, complémentaire, etc., bidule, donc on va baisser les subventions. Si jamais ça arrive, je crois que je vais lancer des contrats sur tous les copains qui sont mis à faire. Non, mais ça me rendrait vraiment très très en colère, parce que c'est ce que je crains le plus. Ouais. Olivier, donc, moi ça me pose un problème, c'est vrai. Donc tu vois aussi dans le sens de après, France. C'est vrai que parfois on peut se trouver dans des situations où c'est vraiment très compliqué, donc on a besoin d'un complément de financement, mais c'est vrai que ça peut avoir un effet pervers qui moi me gêne. Voilà. On verra. Nicolas, il y a une émission après ou pas? Elle est là, c'est bon. Combien de temps il nous reste? 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. De toute façon, comme d'habitude, évidemment, on aurait pu entendre Collapse Under the Empire. Mais on n'entendra pas. On aurait pu entendre Kate Bush qui revient en septembre sur scène, alors qu'elle a dit qu'elle ne monterait plus jamais sur scène. Ah. Évidemment, uniquement en Angleterre, ça s'est vendu en 5 minutes 30, encore plus que les Monty Python. Je rêverais de voir Kate Bush sur scène, c'est terrible. Donc elle monte sur scène et vous auriez pu entendre Wong Fei encore, parce que j'avais envie de le mettre. Donc voilà. On écoutera juste à la fin, comme je n'aurais pas le temps, quand on restera, on n'écoutera pas les 6 minutes. J'en suis désolé. On écoutera un petit morceau donc qui devait faire normalement 6 minutes, on entendra juste, ça sera le générique final d'un groupe qui s'appelle JFB Quartet, dont j'ai parlé souvent ici, puisque mon frère Félix joue dedans, et c'est un morceau qui me paraissait intéressant, puisque le morceau s'appelle Lina from Palestine, et c'est en fait un morceau, j'ai demandé à mon frère, c'est un traditionnel juif qui a été enregistré en 1918 par l'original Dixieland Jazz Band, le premier enregistrement de jazz. Voilà, je trouve intéressant qu'avec tout ce qui se passe évidemment en ce moment, et bien évidemment... Faire un clin d'œil sympathique à ce qui se passe là-bas. Pas sympathique, parce que vous allez entendre, en effet, c'est pour dire à quel point évidemment c'est important et que... Facebook est à la fois quelque chose de passionnant et à la fois d'effrayant quand on voit ce bar de comptoir que ça peut être, où les gens disent absolument n'importe quoi, et qu'on a des amis de tous les bords. C'est toujours un peu effrayant, je trouve, ce genre de choses. On sait qu'il n'y a qu'une chose qui est importante, qu'est la paix, qu'est que les Palestiniens retrouvent évidemment leur territoire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, leur territoire, et c'est évidemment fondamental. Et c'est, je trouve ça terrifiant finalement que voilà, très loin, il y a des gens qui s'amusent. Parce que pour moi, ils s'amusent quelque part sur Facebook, enfin, voilà, à partager, à dire des choses et à dire des opinions comme ça un peu. Heureusement, ils ne sont pas légion. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est bizarre parce que Facebook, parce qu'on est copains avec des Iraniens, on est copains avec des Israéliens, on est copains avec des Chinois, des Argentins, enfin, c'est assez drôle. Même des Américains. Des Américains, je ne connais pas. Donc c'est chouette pour ça, Facebook. Mais j'avoue que j'ai la même sensation que toi, Alexis, sur l'espèce de bar de comptoir comme ça, espèce de truc. Finalement, sur le nombre de gens qu'on croit sur Facebook de manière virtuelle, bien sûr. On se rend compte qu'il n'y a pas tant d'excité que ça. Non, bien sûr. Et ça, c'est plutôt quelque part rassurant. Juste en plus, ça me paraissait intéressant de finir là-dessus, parce qu'il est évident que l'animation, le cinéma d'animation, tu en parlais, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est du cinéma, c'est aussi des choses, c'est des films qui ont des choses à dire, qui ont des choses à transmettre. C'est un peu le problème de la non-critique, je trouve, sur Internet, toute cette critique, justement, c'est qu'on reste que sur le côté visuel et on remet toujours l'animation sur où c'est du cinéma pour enfants, ce qu'on disait tout à l'heure, ou alors c'est un cinéma qui est beau, c'est un cinéma qui est esthétiquement, voilà, qui pète. Et c'est pas que ça, bien évidemment, la force. Beaucoup de gens ont partagé le petit film de Nina Paley, justement This Land Is Mine, qui parle justement de la Palestine et de cette problématique-là. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment important. Franck, un dernier mot ? Oui, non, je voulais dire que même le cinéma pour enfants mérite de très bonnes critiques et des critiques sérieuses, circonstanciées. Oui. En effet, je pense que c'est important. On va terminer. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on se revoit d'ici là. Merci infiniment d'être venu en plein mois de juillet, venir dans le studio avec. Il y a un un ventilateur. Donc c'est parfait. Merci beaucoup à Nicolas, encore une fois, pour cette année, pour avoir été derrière le micro. Merci bien sûr à Rémi pour son agenda. Merci infiniment aussi à LEC, à Valentine, qui me pousse pour faire les émissions. Encore une fois, voilà, elle le sait, sans elle, je pense que je ne serais pas souvent derrière ce micro. Et c'est sincère. On écoute aussi à une minute. On écoute une minute, s'il y a 30 secondes, on écoute 30 secondes. Et on se retrouve bientôt. À bientôt. Bye bye.